avant tout le monde. 89.1. Le plan d'aujourd'hui assemble un truc. On a David Ferron avec sa chronique Le manger de la semaine. Ça, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est comme ça. Et avec l'autre aussi, Simon Fitbin, sa carte postale musicale et plein d'autres choses. On passe 4 heures à la plage tout de suite. Bonjour et bienvenue à Sondage Requis à la plage pour la semaine du 22 juillet 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est JP Charbonneau. Yo, JP Charb. Yo. Charb. Charbonneau. Ouais. Stéphanie Paradis n'est pas là aujourd'hui. Non. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de S à là. Stéphanie n'aurait pas été fière de moi. Non, mais par exemple, il l'a dans Hélas. Hélas. Hélas. Hélas. Ouh, ouh, ouh. C'est pas la chanson de... Oui, notre top 1 de qui jouera pas. Oui, ben on a tendance à skipper les pièces. Fait que, on skip ça. Donc oui, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on a David Ferron qui va revenir. En fait, vous venez de l'entendre, si vous étiez le jeudi. Il a animé juste avant nous. Il va être de retour à la fin de l'émission en dernière heure pour la chronique Le manger de la semaine. Oui. On sait jamais comment appeler cette chronique-là, mais c'est une chronique culinaire. On sait pas non plus comment appeler David Ferron. Non, chose. Yo, man. Yo. Yo. Donc oui, Stéphanie n'est pas là. C'est une petite variante par rapport au dernier, le manger de la semaine, où c'est tout le temps elle qui parlait tout le long. C'est vrai. Donc on stress. Va devoir. Oh non. Pendant les 4 prochaines heures, on va être super stressé. Nos failles. Sinon, on a aussi Justine Renaud qui va être là pour sa chronique de découverte musicale. Justine procrastine. Oui. On l'annonce à chaque semaine, elle n'est jamais là, fait qu'on on sait pas si c'est vrai. Ben oui. On parle, on jase. On chiale. Ouais. Même chose pour Simon Fitzbay, qui ne s'annonce pas à l'avance d'habitude. Donc, carte postale musicale directement de ses vacances, si tout va bien. Ouais, mais il n'y a pas la grève des postiers. Ah, oh, oh ça se peut bien. Dans son pays, là, où il est. Il aurait pu envoyer ça par UPS. Oh! Pour United Parcel Simon. Simon. On va avoir aussi nos chroniques maison autour de ça. On va s'amuser, toi et moi, dans le Festival de la saucisse, comme on fait une fois de temps en temps. C'est aucune fille permis ici. Ouais, choucroute à volonté. Oh, wow! C'est épicé, ça. Ouais. Épinissé, hein? Oh! Oh! Oh! C'est donc, Kinky. Il va-tu l'avoir? Oui, on a Kinky Sexy Time. On a les instructions d'assemblage aussi. On a évidemment les paroles des autres. On vous présente une chanson de l'univers radiophonique de Mathieu Plante. On a aussi Sex Message de Répond là. Donc, une petite émission quand même relativement pas pire pour juste nous deux. Hein? Ben, écoute, on va driver ça, en gars. Ben, gain. Hein? Comme on conduirait un hors de course. Ouais. On pourrait aussi aller nager avec les requins. Oh, blub, blub, les requins. C'est les irréductibles, les requins. Les requins, ça, c'est nos auditeurs. Oui, les requins. C'était bien de placer ça. On va commencer avec le palmarès francophone. Vous le savez, tout l'été, on bascule de l'anglophone au francophone, du francophone à l'anglophone. Et là, on est rendu en franco et on a 3 nouvelles entrées. Plus tard, il y aura Caféine et Lila Dissel. On commence en 20e place. Avec Écoute, j'avais les yeux qui louchaient. Il y a quelqu'un qui s'appelle Navet. C'est qui ça? Mais ça porte à confusion. Mais c'est Navert. Hein? Avec ta cadence. Faut pas confondre. Non. Navert de la médaille. Oh! Yeah. 18. Nouvelle entrée. Les trois nouvelles entrées du côté francophone, ça c'était Caféine et L'Orpheline sur l'album New Love en position numéro 18. Et en 19e place, il avait Lila Dissa avec Hey Cool. C'est mélangé avec Vincent Vallière, un quart de pièce. Ouais. On a débuté avec Navert et Ta Cadence, nouvelle entrée en 20e place. On a deux nouvelles entrées du côté anglophone, on va les entendre la semaine prochaine. Ouais. Et on dira en même temps au revoir à tout le monde, tu sais, qui s'en va. Bon, on dit au revoir quand tout le monde est parti. Là. C'est ça. Il y a juste le francophone qui est parti. Tu dis pas bye une fois que la partie commence, là, puis que c'est comme tout le monde fait poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, qui se mettent à fourrer dans le coin. Oh! Voici qui est sexy time. T'es bien fier, je t'avais pas vu venir. Oh! Well, déplacé. T'es allé trop loin, comme elle a dit hier soir. quand j'allais trop loin dans son... Okay. Donc, qui Sexy Time, c'est la chronique pour un public plus ou moins averti. Donc, des faits un petit peu à tendance sexuelle. Touche-touche. Coquin. On vous avertit. Oui. Devine ce que veut dire le mot Brustwarzen. C'est de l'allemand. Brustwarzen. Je vais être, ça va être brusque. Okay. Je t'avertis. Non, c'est un mot allemand qui veut dire tétine, c'est le mamelon. En fait, si on traduit littéralement Brustwarzen, ça veut dire breastwart, donc une verrue de sein. C'est pas beau du même. Hein? Non, ça donne plus le goût, hein? Non, mais en même temps, ça fait apprécier les vieilles personnes avec des tétines dans le cou. C'est comme un wow, c'est comme un mamelon. Environ entre 200 000 et 400 000 spermatozoïdes sont contenus dans une seule éjaculation. On les salue tous. Oui, un par un. Bonjour, bonjour, bonjour. On donne des petits noms. qu'est-ce que la ménophilie? Méno. Manamana. Méno. Filia. Filia, c'est donc une attirance envers, c'est d'aimer quelque chose. C'est l'attirance envers les femmes pendant leur menstruation. Les chances qu'un couple nouvellement marié n'ait pas de relation le soir de leur mariage, combien tu penses qu'il y a de chances qu'il n'y ait pas de relation? Le jour de leur mariage? Le jour de leur mariage. Okay, j'ai-tu droit à des indices? C'est entre 1 et 10. OK. Là, j'hésite entre c'est soit presque tout le temps ou c'est vraiment plus bas qu'on pense. C'est plus bas qu'on pense. Ah ouais? C'est 2, 3? 3 personnes sur 10. C'est quoi? Ils sont trop pactés? Ouais, probablement. Peut-être. Trop fatigués, trop stressés. Ouais. Ils ont tellement... Ils réservent ça pour après, pour vraiment gang-bang. Ah oui, je sais pas. Gang-bang style. Pas gang-bang style. Un couple en lune de miel, parlant de lune de miel, tu sais, a poursuivi Holiday Inn, la chaîne d'hôtels, disant que leur vie sexuelle était dysfonctionnelle parce qu'un employé de l'hôtel a ouvert la porte et les a vus en train de faire des affaires le soir de leur mariage. Ça a gâché leur vie. Il était là pourquoi, lui? T'as-tu l'invité surprise? Pour regarder, ouais. Guest star. Ben non, mais tu sais, ils ont peut-être commandé du champagne. Mais. Oui. Le gars, il était comme, oui, ben je suis là, tu sais. Ben comme dans les porn. Ben oui. Porno, tout le temps un gars qui vient livrer quelque chose, puis qui vient... Ouais, puis il se rajoute à la gang. Voilà. Voilà. Parmi les couples mariés, tiens, encore une fois, les couples entre 18 et 24 ans sont ceux qui ont le plus de relations sexuelles, environ 12 fois par mois. 12 fois par mois. Une journée sur deux, presque. Presque. Les baleines sont ceux qui ont le plus gros engin au monde, de tous les animaux, évidemment. Au moins 500 Américains meurent à chaque année d'asphyxie en essayant de baisser l'oxygène qui s'en va au cerveau pour avoir un plus grand orgasme, un orgasme plus fort. Ils vont s'empêcher de respirer. Ça va les tuer 500 Américains. Quand même! C'est beaucoup, c'est presque la moitié de 1000. une étude nous apprend que les femmes trouvent que... OK, je vais te le poser en devinette. Là. Le sport le plus attirant qu'un homme peut faire selon une femme. Ce qui est sexy, là, tu sais, que l'homme fait ça. C'est pas le baseball? Non. Grosse batte. C'est peut-être le golf? Gros trou. Petite balle. Le tennis. Oh! Méchant racket. Ouais. Non, c'est l'escalade, en fait. Ah! Oh. Je sais pas, parce que peut-être qu'elle voit par en dessous, tu sais, ça laisse... Ils ont toujours une poche pleine de farine. <C'est>... Une poche. Ça, c'est la gymnastique. C'est moins sexy, un peu. Ben, ils ont souvent des trucs là, pour pas glisser. Mais... Oui. Ah, c'est à cause du harnais. Ça remonte le tout, puis là, ça... Ça met de la forme. Oui. Ça compacte. Ça... Ouais. Que du bon. Oui. Non, c'est ça. Donc, c'est l'escalade. Et au contraire, les hommes, ce qu'ils préfèrent que les femmes fassent, c'est assez simple, l'aérobie. Ah oui, mais ça... Tu te penches, puis tu te fais... un poisson qu'on trouve dans l'Amazon, candirou, pas sur Amazon.com, dans l'Amazon, la rivière. Oui. Le candirou peut nager via ton urine jusque dans ton engin et puis faire des choses là, faire des enfants puis des... Imagine, ils peuvent s'insérer dans... Ouais, fun. Moi, c'est pour ça que quand je fais pipi, je coupe tout le temps un petit peu. Tout le temps, tu vas par petits jets. Oui, comme ça, il est pogné. Est-ce que tu fais ça partout avec ton... Oui, partout. Partout. Écris-tu ton nom? Ben j'essaye, mais c'est en petit point. En petit point. C'est du 8 bits. Pixel. Pouit. Les scies à chaîne. Chainsaw. En fait, ça vient d'un outil à l'origine qui était fait pour aider les femmes à accoucher d'un bébé. Donc, ils utilisaient cet engin-là qui ressemblait à une scie à chaîne. Puis, c'est devenu, avec l'évolution, c'est comme les animaux. Ça a évolué. Oui, ça a évolué. Ils ont perdu leur zèle. Puis, l'acrophilie. Qu'est-ce que c'est, l'acrophilie? L'attirance. Mm-hmm. Accro. Oh, acrobate, ouais, flexibilité. Oh, bravo! Oui, en fait, c'est une... bof, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est proche. Ouais, ben si on veut. Ouais. Ça réfère à une personne qui est sexuellement attirée par les hauteurs. Ah! Donc, ah, tu sais, il faut que tu t'aies grimpé un peu. Fait que, tu sais, ben ouais. Pas vraiment, mais ouais. Faut que tu fasses ça en hauteur. En hauteur. Une étude nous apprend que les femmes qui s'occupent d'elles-mêmes, qui se touchent régulièrement, ont moins de chances de souffrir de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Ah, tant mieux. Ouais. Touchez-vous. Hein? Touchez-vous. Touchez-vous. Touchez-vous. On dirait le slogan d'un magasin. Touchez-vous. Les études, encore une fois, nous apprennent que l'odeur de la vanille, ça va pomper la testostérone. OK? Plus que n'importe quelle autre odeur. Donc, tu vas avoir... Ça va augmenter ta... Tu vas couler de la testostérone. Tu vas être super viril avec l'odeur de la vanille en tous tes bras, mettons. Non, ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Oh, no. Dans le miroir, on se voit environ 6 fois plus attirant que dans la vraie vie, selon un sondage. Il faut pas que tu te réveilles le matin et que tu fasses... Ah, oh, je suis pas beau. Crotte dans les yeux. Ouais, non, ben, tu te trouves laid, est-ce que t'es 6 fois plus laid? Ben, c'est ça. La caméra ajoute 10 livres, fait que c'est filmé dans un miroir à double paroi. Oh. Voilà, et... ça change tout, là. Ça change tout. Une porn star nommée Voodoo a fait un film pornographique dans les airs en sautant à partir d'un avion et a eu des relations sexuelles dans les airs. Wow! Ça, tu sais, Voodoo! Acrophilie. Acrophilie. Ah, ben, Colin, t'as bien. T'écoutes. Ouais, ça a pas l'air, mais. Ça a vraiment pas l'air. Pauline Potter. La tante, j'imagine, de Harry. C'est elle qui a le record Guinness pour la plus grosse femme du monde. Elle a perdu 100 livres en ayant des relations 7 fois par jour pendant une durée qui n'est pas déterminée dans le texte ici. Wow. Mais wow, 100 livres. Pauline Potter. Le fameux régime Potter. Oui. Mieux Potter que jamais. environ 35% des hommes, c'était très mauvais cette blague-là. Ben, correct. Ouais. Environ 35% des hommes ont déjà menti pour avoir des relations, alors que seulement 10% des femmes ont menti. Les femmes sont plus honnêtes, apparemment. Il y a plus de 100 ans, les gens riches étaient les seuls qui pouvaient porter des sous-vêtements. Tu sais, maintenant, hein, tout le monde presque, à moins que tu sois commando. Commando. Mais c'est un plaisir coupable, ça. Être commando? Oui. Pour vrai? Mm-hmm. Je sais pas, je me sens comme trop bougeant. Trop lousse. Parce qu'il y a trop de choses. Trop, hein, ça prend trop de place. Ah, yes, une prostituée de la Floride s'est fait prendre la main dans le chèque après avoir offert des relations sexuelles à des officiers de police en échange de 2 cheeseburgers de McDonald's. Oh! Tu sais, de la qualité. Hey, ça doit être bon, ça. Oui. C'est une cheese. Hein? C'est une danse à 3,50 avec tes 2 hamburgers en menu valeur. Une danse à 2 boulettes. Et Colin, des belles boulettes. Un conseil ici, ne portez jamais 2 condoms à la fois. Il y en a qui vont se dire 2 condoms, ça va protéger plus. Mais non, la friction entre les 2 condoms que tu vas porter, ça va augmenter les chances de briser le condom. Oh, c'est bon à savoir. Les résidents de la ville de New York peuvent avoir des condoms gratuits et du lubrifiant en appelant le 311. Et j'ai vérifié, parce que je trouvais ça louche, j'ai vérifié et ça existe pour vrai. Wow. Le 3-1, mais seulement à New York. 3 comme une paire de seins ou une paire de fesses. Hein? 3, ouais. Tu t'imagines comme ça. Puis 1-1 comme 2 bénis. Ouais. Ben, c'est bien. C'est un bien. Beau service. Oui, et un beau numéro. Oui. Très imagé. Les fumeurs ont tendance à avoir de la difficulté à se rendre à une érection parce que la nicotine bloque les veines qui aident à maintenir l'érection. Et finalement, déjà, en 2011, une femme de 27 ans a essayé d'amener, de transporter smuggle. Comment on appelle ça en français? Smuggle. Quand tu, mettons, tu transportes de la drogue sur ton corps en échange de ne pas aller en prison, je sais pas quoi. Ou... Ouais. En tout cas, ouais. Bref, elle a essayé de traîner là, oui. 54 petits sacs d'héroïne dans son... Mm-hmm. Ouais, 54. Ouais, c'est... C'était payant le voyage. La livre, comment on appelle ça? Du milligramme. Oui. La gramme. Donc voilà pour Kinky Sexy Time. Les liens sur assemblagerequis.com et la liste de tous les liens non utilisés sur twitter.com. Barbec assemblage, c'est fou. C'était osé. Ouais, t'as pas si pire que ça. Il y en a eu des pires. Des dégueulasses. Ouais. Des gars, t'aurais pu garder ça pour pas quand je suis en train de manger une collation ou un repas. Une banane. Voilà. Donc, on va retourner avec notre palmarès francophone. On saute par-dessus la 17e position, c'est-à-dire la femme. Et sur la planche 2013, ça fait 7 semaines que cela. C'est sur sa fin, là, on doit s'en passer une fois de temps en temps. Oui, mais là, on va aller écouter Atomic Baobab avec Radio Réveil. Ah ben, Caroline, je vais sauter mon cadran. Ça y est, hein? Check l'heure. Attention, je pense que 3, 2, 1... Ça sonne bien, je trouve, pour un cadran. Ouais. Grosse qualité hi-fi. Mathieu, j'ai fait des crêpes. Oh, miam! T'as-tu du miel? Du sirop oh. d'érable? Ouais. Ouais. Les deux, mélange. Confiture. Oui, monsieur. J'ai les blues, les chauds me prennent d'assaut. C'est juste le temps qui passe, on viendra. S'il faut encore la joie d'être pris dans le trafic. Avec des bulles sur le bord de la route qui vendent des voyages au Mexique. J'y crois des fois encore, mais la folie se fait plus rare. C'est pas la routine, c'est vraiment pas mon exutoire. Il faut que je prenne la fuite, la prochaine sortie. Aujourd'hui j'en pas, je fais la paix avec ma folie. C'est comme une zone, les années 80 qui revient à mal. Qu'on est en loup, c'est pour venir de toujours à son lèvre à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Je l'aime ce petit jingle-là. C'est le meilleur, je pense. Il est bon. On le prend en premier tout le temps. C'est le premier sur le bord. Il est maudit qui est bon. Oui. Ouais. Avant de continuer avec d'autres chroniques, on a encore un petit peu de palmarès francophone à entendre. Tu sais, question de savoir ce qui est populaire en ce moment. C'est fou chez les animateurs, les différents chroniqueurs. Qu'est-ce qu'on écoute? On s'en va entendre la position numéro 15 du côté francophone. Et le monde de deux places. Donc, c'est les Sœurs Boulées avec des shooters de force ton bras. Shooter! Wow! C'est le bras de Jean-Philippe! Pause! L'autre Jean-Philippe! J'ai pas dit bye, pas mis les choses à leur place. ma photo en grimace. Ça fait du bien, un peu de vent dans la face. Ah ah, je suis cassé tête, mais j'ai trouvé une coupe de pièces pour aller boire des choux. Tu dis que je

public. C'est les Indiens avec Crown qui se termine. Ça descend de deux places en 12e position anglophone sur l'album qui s'appelle aussi Crown. Oui. Bon. Et juste avant, on a entendu Aleph Nesky avec Tu le désir. Comment c'est l'allemand? Alex Nesky. Aleph Nesky. C'est de l'allemand, ça, hein? Ça veut dire. Verru de Saint. Oui. Comme on a appris plus tôt. Ouais. Running gag. Verru de Saint. Le notes-tu? Ah oui, on le note. Verru de Saint. Ah, ouais, oui, c'est vrai. C'est moi le co-animateur. Ça. Jean, fais dans le coin. C'est la fin de la première heure d'assemblage requis à la plage. Mais il en reste d'autres. Il en reste trois autres. Pas de panique. Hey, calmez-vous, là. S'il vous plaît. Le feu est pas pogné, là. Quoi qu'on sait, on sait jamais. Les armes partent pour bien moins pire que des feux d'habitude. Dans la deuxième heure, on aura Justine Renaud qui va nous parler du groupe CSS. Moi, je connais ça comme une feuille de style Cascade Style Sheet dans le HTML, dans Dreamweaver, mais je pense que c'est pas ça. CSS, ça pourrait être aussi une super intrigue. CSS. Ah, c'est une. Okay. Ouais, on se comprend. Reste là. La radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Toujours à Assemblage Requis, c'est la deuxième heure de notre émission à la plage, notre édition estivale à l'Assemblage Requis. Et Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, on est sur le bord de notre bar. Ouais. Bar. Ben à côté. Ouais, avec notre petit verre à la main, comme toujours. Verre de terre, parce que j'aime ça avoir du buant dans les mains. Oui, puis on s'en va pêcher. Ouais. Pêcher comme dans, évidemment, commettre des pêchés. Là. Ben oui. C'est comme des jeux de mots, on dirait sol. Ça, c'est... sol comme dans à terre, comme si j'étais à terre, couché en train de faire des mauvaises blagues, puis être en convulsion. Oui, comme si t'étais sol mort. sol mort. Ouais. Tantôt, dans quelques minutes, ce sera les instructions d'assemblage, notre chronique de trucs et astuces. Mais pour l'instant, on s'en va entendre une autre pièce du palmarès francophone. Vas-y donc, hein, Jimmy. Oui, t'as-tu vu, Mathieu, il fait la planche. Il fait la planche dans l'eau, sol. Voici Forêt, repose-toi bien, couché à terre. Repose-toi, oui. Repose. Planche. Rest in peace, pas rest in peace. Ouais, c'est... planche. C'est du bois d'œuvre. Il fait la planche avec du bois d'œuvre. Tu me gosses comme dans gosses un bout de bois. Les grandes gueules. J'ai traversé le ciel sans dormir. J'attends ton sourire. Je te salue de la main tendue. J'ai regardé Forêt et repose-toi bien. Ça descend de 3 places en 11e position francophone. Tu sais que je suis allé voir le show de Forêt, c'était au théâtre de Truc Verdure là, à Montréal. OK, oui. C'était commencé par Hochelaga. Il y avait une clôture, le public était limité à 3000 personnes. Fait qu'on faisait la file pour attendre, puis on s'est dit, bon, on s'est tanné un petit peu. Puis quand on est allé en arrière, il y a comme un petit marais, comme avec des crocodiles sur le bord d'un château. Là, OK. Tout autour de la scène. Puis quand on était sur les bancs qui étaient du côté de l'eau, puis on était littéralement backstage. T'sais. Puis t'as très bien vu le show. Pas en tout. Ah! C'était un mur, il y a comme vraiment une bâtisse avec un. Oh. Mais on entendait un peu. OK. J'ai une photo, faudrait que je mette ça sur Facebook. Ben, éventuellement. Éventuellement, un jour. Je ferai ça. T'es bien drôle, hein? Oui. Mais non. Avant de passer avec la musique de Mister Valère, mm-hmm. On continue avec une chronique qu'on a récemment ajoutée à l'émission. Oui! Étape 1. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Boulenné. Oh, ben là! Ben là, franchement, là! Donc, c'est la chronique de trucs et astuces, les instructions d'assemblage. Donc, on vous présente un paquet de bonnes idées pour changer votre vie, hein, améliorer votre sort un peu. Par exemple, si, mettons, c'est l'été. Mettons, faisons semblant que c'est l'été, qu'on est le 25 juillet, 15h06. Mettons, là, tu sais. À la place de mettre des cubes de glace dans un cooler, hein, remplis des ballons d'eau. Tu les mets au congélateur, tu les mets dans ton cooler, ça garde froid, puis t'as pas besoin d'avoir 1000 blocs de glace. Ah. C'est pas pire, ça. C'est pas pire. Ben, pas pire. Faut pas que tu te trompes et que tu commences à jouer au ballon d'eau. Non, c'est... Ben, à la fin, mais qui fondent, peut-être que tu pourrais. Ah, ben oui, peut-être. Ah ouais. C'est... Ben, ouais. Étape additionnelle. Et si jamais t'as des condoms en trop aussi. Oui. C'est très résistant, on sait. Ça s'étire. Ouais. Parlant d'eau, si ton Brita est trop gros pour ton frigo, tu sais, ça t'arrive. J'ai fait ça. J'en ai acheté un en rabais. J'étais content, là, tu sais. Le gros, le genre de cube. L'immense. Là. J'ai ça chez nous, c'est le fun. Parce que je me suis dit, ah, tu sais, y a-tu de quoi de plus fun que d'avoir ben de l'eau frite? Tout le temps. Tout le temps. Fait que là, j'ai acheté ça, ça rentre pas. Ça rentre pas? Ça rentre pas. Moi, ça rentre. Ça fait qu'on manque beaucoup de place dans le frigo. C'est ouais, dommage. C'est ça. Mais justement, petit conseil, laisse-le sur la table quand t'en as besoin pour, mettons, une journée où tu veux boire beaucoup d'eau qui fait chaud. Remplis-le de cubes de glace directement. Comme ça, les cubes de glace vont se filtrer dans le Brita. Oh, tu vas avoir un verre d'eau. C'est cute. Sinon, tu peux prendre ton Brita, tu fais filtrer ton eau, puis tu fais de la glace avec. Oh! Ah, oh, wow! Mais on est rempli de ressources ici. Ouais, quand même. Hein? Rempli de ressources. Lorsque tu commandes un café dans un restaurant ou un café, oui, où ils servent du café, ça, c'est déjà, premièrement, un indice. Va au café chercher ton café. Ouais. Ça va coûter cher. Demande un moyen, mais dans un grand verre. Souvent, ils vont oublier, ils vont un petit peu dépasser. Donc, tu vas avoir genre l'équivalent d'un grand pour les prix d'un moyen. Ça, c'est une crosse. Oui. On a quelques crosses qui se faufilent dans la chronique des fois. Ben, ça peut arriver. Ça peut arriver. Trempez une boule de coton dans du vinaigre et mettez-le sur un bleu pour faire disparaître le bleu. Wow! Ça, je le savais pas. C'est fondé? Pas C'est ce qu'ils disent. Hein? On repart sur l'eau un peu. Quand boire de l'eau? Tu dirais boire de l'eau tout le temps? Tout le temps. 8 litres par jour? Ouais. Ben, y a des moments pour boire l'eau pour maximiser son efficacité dans le corps humain. Comme là, tu vois, j'ai pas bu d'eau et soudainement, la tête me tourne. Ah! J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, t'sais. Bon. Mais peut-être que non, finalement. Je sais pas. J'espère que non. Ah, en tout cas. Sinon, je continuerai, là. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment bizarre comme feeling, je comprends pas. Mais bon, donc, deux verres d'eau. Il faut boire deux verres d'eau après s'être réveillé. Ça va aider à activer les organes internes. Mm. Alors, il faut boire un verre d'eau 30 minutes avant un repas. Ça va aider à la digestion. Un verre d'eau avant de prendre une douche ou un bain, ça va aider à baisser ta pression. Et un verre d'eau avant d'aller se coucher va éviter une attaque cardiaque. Et là, tu vois, je me sens drôle juste en parler. Ah! Je pense que je vais retourner en musique, je vais me prendre de l'eau pour vrai. Bon, ben vrai, c'est même pas une joke. OK, bon, la musique, on revient. OK. Don't Get Lost, c'était la 10e position. Ça monte, c'était la 16e position la semaine passée. On retourne en musique avec Mauve, qui est en 9e position avec Giovanni Cabotti. c'était Mauve et Giovanni Cabotti, stable en 9e place francophone. Me voilà de retour. Oui. Après une légère absence. Et on espère que ça va aller mieux pour le reste de la chronique. Hein? Mais ça devrait. Ça devrait. Si, on sait. C'est, ben, c'est, il fait chaud hein, à la plage. Des fois, ça arrive des coups de chaleur. Je pense que c'est de la déshydratation. Et ça tombe très, très drôle et ironiquement mais dans oui. un fait sur l'eau. Sur l'eau. Donc, quand est-ce boire? On disait tantôt donc, qu'il y avait des moments plus opportuns pour maximiser l'efficacité de boire de l'eau, finalement, pour le corps humain. On dit 2 verres d'eau après se réveiller, ça aide à activer les organes internes, si on l'avait dit. 1 verre d'eau 30 minutes avant un repas, ça aide la digestion. 1 verre avant un bain ou une douche, ça va aider à baisser la pression. Et finalement, celui auquel je m'étais pas rendu, c'était en fait, peut-être que je m'étais rendu là, je m'en rappelle même plus. 1 verre d'eau avant d'aller se coucher pour éviter une attaque cardiaque, quelque chose comme ça. Ah. Donc, tout le temps, 1 verre d'eau avant et après chaque affaire, vous allez être safe. Oui, c'est ça, finalement. Rends-moi ça en saluté. Voilà. Justement, parlant d'eau, pour ceux qui se demandent, tu sais, on est supposé boire, c'est quoi, 8 litres d'eau, je sais pas quoi, par jour. Il y a comme Il y a un ratio. C'est pas dans ma chronique. Ouais. Il y a un ratio. Si vous voulez vous rappeler, vous avez votre bouteille de plastique, mettez des élastiques. Mettons 8 élastiques en bas si vous voulez boire 8 bouteilles d'eau. Quand vous en buvez une, vous montez l'élastique ou vous l'enlevez ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ça va vous rappeler combien vous avez bu d'eau. Comment vous en avez bu. C'est une bonne idée. Ouais. Ensuite, si vous voulez... Tu peux couper les doigts aussi, mais c'est... Oui, mange une main, garde l'autre pour demain. Oui. ceux qui veulent enlever des touristes dans leurs photos, mettons. Photoshop a une fonctionnalité pour ça qu'on connaît pas parce que ça s'appelle pas genre enlever les touristes d'une photo. Ça. Donc, mets ta caméra sur un trépied quand tu vas en voyage. Okay? Prends une photo à chaque 10 secondes ou jusqu'à temps que tu aies genre 15 photos en tout. Toutes les images dans Photoshop, tu vas dans File, Scripts, Statistics, okay? Fichier, Script, Statistiques, et tu vas à Médiane et ça va sélectionner, une fois que tu vas avoir sélectionné tes 15 fichiers, ça va prendre la moyenne, la médiane de tout ça, tout ce qui est différent. Et ça va les enlever. C'est le fun. Wow! Hey, ce truc-là, il est es-tu disponible sur rassemblagerequipe.com? Ben, hey, on essaye. On va essayer. OK, on prend des photos de nous autres. Non, je pense qu'il y a d'autres choses à prendre en photo ici. Hein. Mm-hmm. Les jeudis. Kinky. Ouais. Kinky. Tiens, mettons, on n'aime pas les lundis. Personne n'aime les lundis. Bon, mettons. Mets quelque chose que t'aimes à la fin de ta journée, par exemple, aller voir un film ou avoir, tu sais, sortir, n'importe quoi, tout le temps le lundi à la place d'y aller vers la fin de la semaine. Comme ça, ça va te donner envie d'aller au travail le lundi pour finir ta journée. Puis là, tu vas aller au restaurant, puis là, tu te rends compte qu'ils sont fermés les lundis. C'est bon! Tu vas aller chez le coiffeur, c'est fermé le lundi. Mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir quelque chose, un but le lundi. Comme, mettons, aller voir la huître l'année passée, aller voir l'impro. Oui, le lundi. Très bonne remarque. Ouais. Maintenant, on nous dit, encore une fois, pour l'eau, il y a beaucoup de trucs sur l'eau aujourd'hui, vraiment ironiquement. On patauge. Congeler des citrons ou des limes en tranches pour ensuite pouvoir les mettre dans ton verre d'eau et avoir un drink rafraîchissant. Ça, c'est le fun. Très bonne idée. Un petit citron dans un verre d'eau, là, moi, je... Comme disait Bibi, non, ça, c'était Geneviève. Citron, Bibi. Si t'as de la misère à ouvrir un sac de plastique, tu sais, t'es au centre d'achat, bon, t'as de la misère à ouvrir ton sac de plastique. Ouais, là, tu lèches les doigts, c'est dégueulasse, il y a toucher à ta carte de crédit et de l'argent. Touche-toi le bord du nez, ton bout du nez, il est gras. Oh. Fait que ça va ouvrir le sac plus facilement. On vous dit que la vie est belle. C'est bien fait. Si tu laisses un message sur une boîte vocale et que tu te trompes, t'aimes pas ton message, t'as l'air fou, fais dièse. Souvent, ils le diront pas au début. Des fois, ils vont dire, certaines boîtes vocales le disent pour réenregistrer votre message. Mais s'ils le disent pas, dièse va souvent effacer ton message et te permettre de recommencer. Ou sinon, si ça le fait pas, c'est vraiment drôle. Parce que le gars, il sait que tu t'es trompé, puis ça fait bip, bip. Je trouve ça drôle. Non, c'est faux. Si vous êtes une dame ou quelqu'un qui porte une sacoche, si on juge personne, vous avez une sacoche et peut-être des enveloppes de tampons. Hein? Si vous voulez garder votre argent safe, que personne, mettons, dans un bar, quelque chose comme ça, met ton argent dans une enveloppe de vieille serviette sanitaire. Personne ne va voler ton argent ou tes cartes. C'est vrai. Quand t'es dans une salle de bain publique, j'adore ça. J'adore, tu sais, on a déjà fait des crosses un petit peu dans cette chronique-là, des conseils pour éviter des problèmes ou faire des choses illégales. Des petites vites. Mais ici, c'est pour aider son suivant, son prochain. Okay? Quand tu utilises une salle de bain publique, mets du papier de toilette. Si, mettons, il n'y a plus de papier de toilette à la salle de bain, mets le rouleau de papier de toilette vide sur le siège. Comme ça, la prochaine personne va savoir. Là, c'est direct. Tu sais? À place de commencer à faire tes besoins et puis pas avoir de papier de toilette, c'est plate, ça. Puis là, être pris avec tes mains, tes bas, avec tes bobettes. À moins que tu sois commando. Ouais. Tout ce que tu peux. Toi qui aimes le bonheur d'être commando, tu peux même pas t'essuyer. Mais non, je peux rien faire. Justement, quand t'es dans une salle de bain publique, il y en a qui aiment pas le son de faire ses besoins dans la toilette. Ça les gêne. Mettez juste du papier de toilette au fond de la toilette, ça va absorber le bruit. Si vous voulez être. Mais pas si tu fais des petits pets. Oui. Lorsque tu fais bouillir de l'eau pour te faire du thé, de la soupe, n'importe quoi, fais-en bouillir un petit peu plus pour laver ta petite éponge. Parce que l'éponge a beaucoup de germes, de choses dégueulasses dedans. Donc, tu fais juste verser ton eau chaude que tu as fait pour ton thé. Oui. Je sais pas si c'est bactéries. Bon. Je sais pas si c'est bon, mais ma mère, des fois, elle la met au micro-ondes, l'éponge. Ah, ben, je sais pas, ça pourrait tuer les choses. Ouais, peut-être. J'avoue. C'est pas une mauvaise... Je sais pas si ça aide, mais ça nuit pas. Non, je pense pas que ça nuit. À moins que ce soit un SOS qui est fait genre... je sais pas quelle sorte de métal. En tout cas, ça a l'air... quand t'es au restaurant... j'adore ce truc-là. Quand t'es au restaurant, lave tes mains après avoir commandé parce que le menu est une des choses les plus dégueulasses, les plus remplies de microbes. Ben oui. Justement. Ouais, à chaque fois que j'éternue, je prends un menu pour... Achou! c'est un gag visuel, mais vous avez compris à la maison. Oui, vous l'avez vu dans votre tête. Oui. Ou sur la version HD de C'est fou. Si vous étudiez ou que vous travaillez dans votre chambre, gardez vos souliers. Parce que ça, psychologiquement, les souliers sont reliés au travail et tu vas travailler mieux si tu as des souliers que des pantoufles. Parce que quand tu es à l'école, tu es en souliers. C'est ça. Donc, c'est la barrière psychologique. Moi, je m'en rends compte à la maison quand je suis en souliers et habillé normalement comme en habit de travail. Je travaille beaucoup mieux que quand je suis en pyjama, tout est vaché. Tu ne veux rien faire quand tu es en pyjama. Mais non, tu relaxes. Tu relaxes. Take it easy. C'est qui ça déjà? L'autre. C'est l'autre. Mets ton téléphone ou ton iPod dans un bol ou un vase pour amplifier le son. Mm-hmm. Juste dans un bol, tu vas avoir plus de son. Tiens, si tu t'es demandé comment couper des mini-tomates, des cerises, des légumes, des fruits en petites tranches, mais que ça roule tout le temps, ces fruits-là ou ces légumes-là, ben oui. Prends deux couvercles de Ziploc, mets tes fruits entre les deux et passe ton couteau à l'horizontale. Ha! Ça, c'est intelligent! Oui. Savais-tu qu'une bouteille de vin au complet entre dans un verre de un verre Trenta chez Starbucks? Et Trenta, c'est leur grand format. Ah ouais? Une bouteille de vin au complet là-dedans. Crime. Beau défi. Beau défi, boire ben oui. Ça paraît pas. Mais oui, tu manges juste un verre. Puis après ça, tu mets ta bouteille de vin dedans, puis ça sirote. Sirote. Tu peux la boire n'importe où. Et mets une serviette froide sur tes poignets ou sur ton cou. C'est là qu'il y a beaucoup de sang qui passe, les grandes artères majeures. C'est pour ça que les gens se suicident par le poignet, tu sais. Bon, mets une serviette mouillée là-dessus pour te refroidir pendant l'été, peut-être reprendre tes forces quand, mettons, tu passes proche de tomber dans les pommes pendant une chronique. Mettons. Exemple. Si vous voulez laisser un message, en fait, votre message sortant de votre boîte vocale, à la place de dire « je vais vous rappeler », dis « envoie-moi un message texte ». Comme ça, tu n'auras jamais à filtrer tes appels parce que ta boîte vocale dit aux gens de te texter. Ça bypass complètement. Ouais. J'aime ça. Les gens aiment beaucoup parler d'eux-mêmes. Donc, posez des questions et vous allez avoir l'air plus intéressant parce que vous parlez de la personne à qui vous parlez. T'sais. Ah, voilà. Ça va vous rendre plus intéressant. Puis toi, Mathieu? Moi, tu sais, moi, je suis du style, tu sais, avec le... Ben oui. si tu veux que ton oreiller soit plus, plus moelleux. Tu me voles les mots de ma bouche. Tu veux que ton oreiller soit plus moelleux, mais dans la sécheuse pendant 10 minutes. Ah, ben, ça va refroufrou les froufrous. Refroufrou, c'est un verbe. Refroufrou les froufrous. C'est de la racine. Tu passerais-tu mon crayon qui est là? Il est où, ton crayon? Oui. Attention, c'est un crayon rose en passant. Oui. Par là. Whoop-a-doo! Non, raté. Comme raté. Ben, ça aurait pu être pire. Pour les gens qui souffrent d'acné dans le dos et sur la poitrine, c'est une catégorie de gens bien spécifique, on vous dit d'acheter des t-shirts. Non. Ah. Pour de l'acné. Ah, ouais. Dégueulasse. Non, d'acheter des t-shirts blancs en emballage. Souvent, on peut acheter un emballage de 5 t-shirts blancs et de le changer, porter un chandail propre à tous les soirs. Parce que si vous portez tout le temps le même chandail pour dormir, ce qui arrive, c'est que l'acné, c'est les bactéries et tout ça vont... C'est comme votre tête d'oreiller. Si vous avez de l'acné en face, changez votre tête d'oreiller. Hein? C'est un bon petit conseil, tout ça. Toujours dans les instructions d'assemblage, la chronique de trucs et astuces. Dans votre garage, si jamais vous avez de la difficulté à reculer votre auto, vous dépassez tout le temps sur quelque chose qui est à terre. Mettez une balle de tennis. Un enfant, genre un animal de compagnie. Oui. Donc, accrochez une balle de tennis avec une corde du plafond de votre garage et votre derrière de char va taper la balle. Oh. Magnifique. Pour frapper, tu veux frapper quelqu'un vraiment fort ou quelque chose, de juste viser quelque chose, ça va pas donner un si gros coup que ça. Faut viser au-delà de la chose. Ah, parce que là, physiquement, t'as un blocage. C'est exact. Fait que tu dis, OK, je vais te passer à travers, le gars. C'est ça. Aha. On va passer au travers. Peut-être à la scène. Ça veut pas dire la même chose. Non, hein? Si tu veux enlever les, comment dire, tu sais, sur tes vêtements quand ils sont un petit peu froids, c'est quoi le terme déjà? Froissés. Frippés. fripépouille. Fripépouille. Fripépouille, oui. Disons-le. Vos vêtements sont fripépouille. Mais vous n'avez pas le temps de les repasser. Mettez dans la sécheuse, mais pas dans la sécheuse tout seul, parce que d'habitude, tu sais, ça serait. Ouais, ouais, tu sais. C'est avec un gant mouillé, je pense. Une débarbouillette. Une débarbouillette, n'importe quoi d'humide en c'est ça. Humide dans la sécheuse. Ça, c'est idéal quand tu ne payes pas ton électricité. Oh! Mais parce que la sécheuse, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Ouais. Fait que c'est vraiment en cas de secours. OK, dans le sens que si ton électricité est comme illimitée ou comme inclus dans ton loyer. Je comprends. Ouais. Si t'as pas fini ton... ça, c'est, on repart sur les crosses un peu. Ils sont mélangés dans la chronique. Mais si vous avez pas fini votre devoir ou votre grosse thèse de fin d'année scolaire, de peu importe. Là, mon chien l'a mangé. Ton chien l'a mangé, non. Non, copier-coller un paquet de symboles dans Word. Parce que tu sais, quand on trouve un document qui est corrompu, il apparaît des symboles. Copie-toi des symboles. Ah, oh, mais moi, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je partais en vacances tout après. Là. Je sais pas. Là. Moi, je partais à go, là, tu sais, ouais. Je célébrais. Non. C'est une pièce qui sent mauvais, mais un petit peu de Cologne. De la Cologne. De l'eau. De l'eau de Cologne. Et Cologne. Sur une de tes ampoules. Oh, Cologne. Sur ton ampoule, dans une pièce comme ça, quand tu vas ouvrir la lumière, ça va brûler un peu de ta Cologne et ça va sentir bon, en espérant que ça ne prenne pas en feu, cette affaire-là, parce que je l'ai pas essayé. Oui. On se dit ceci, hein. S'il arrive quelque chose, nous, c'est pas. C'est Internet, moi. C'est pas bon. OK, là, j'espère encore une fois. Vous savez que je suis une ligne où je pourrais facilement m'évanouir aujourd'hui, je pense. Oui. Donc, je vais pas le faire. Je vais te demander de le faire toi-même. Parfait. Expire complètement. Ensuite. Oui. OK, ben, dis-le une fois, puis je vais le faire après. Expire complètement. Ensuite, tu inspires pendant 4 secondes, tu tiens ton souffle pendant 7 secondes et tu repousses l'air pendant 7 secondes. Et faire ça avant de te coucher, ça va te relaxer le cœur et tu vas mieux dormir. Donc, c'est repousser l'air, comment expirer. Inspirer pendant 4 secondes. Ça va être long, je pense. Ouais, c'est un peu long. Puis en même temps, je ne vais pas m'endormir. Non. C'est une chronique que j'aime. T'as bien raison. Donc, on comprend, on a tout compris. Le lien sur assemblagerequis.com, mais en gros, c'est expirer, inspirer 4 secondes, retenir son souffle 7 secondes et expirer 8 secondes. Ça fait 4-7-8. 4-7-8. La règle du 4-7-8. C'est classique, tu sais. Ouais. Lorsque tu commandes du fast-food avec des frites, demande l'essentiel. Un peu comme la semaine passée quand on disait une boulette de viande sans épices. Ouais. Demande des frites sans sel, ils vont t'en faire des neuves. C'est vrai. Tu mets ton propre sel dedans après. Puis de toute façon, mettons, on prend une grande chaîne de frites. Wack Burger, Wack Donald. Mettons. Mais elles sont toujours trop salées, je trouve. Puis si tu prends pas de sel, je trouve que ça goûte pas. Ça goûte pas les frites de restaurant. Non. Donc, un bon compromis. Oui, c'est parfait. Écoute, je trouve ça génial de dire que t'as un problème au cœur. Puis là, il voudrait quand même. Je peux pas manger de sel, voyons. Ben oui. Je prends une pierre au rein. Tu sais? Une pierre à reine. Pierre à reine, non. Un pot maçon, ça entre parfaitement dans le petit truc pour tenir le verre dans une voiture, un pot maçon. Tu me faisais peur. Je sais pas où tu t'en allais, mais je veux pas savoir. Garde dedans des noix ou des trucs santé. Comme ça, tu vas être tenté à manger des affaires santé pendant que t'es en voiture et non pas aller chercher un Wack Burger, justement. Si tu as tendance à procrastiner, écris-toi une liste de récompenses. Une par carton, mets ça dans un petit pot, justement comme un pot maçon. Et à chaque fois que tu finis une de tes tâches, tu prends un carton. Oh, ça, c'est génial. Lorsqu'on mange des crêpes, excellent truc ici. Je suis tout le temps impressionné par certains trucs. Là. Quand tu manges des crêpes, fais un trou à travers la pile de crêpes et verse ton sirop dedans. Comme ça, tu as du sirop imprégné dans l'intérieur de la crêpe. Ah, maudit que j'aimerais ça qu'on soit le matin. École. Quand tu te fais les ongles... Oui. Juste les couper, là. Oui. Pas les maquiller, là. Trempe tes doigts. Moi, premièrement, le truc classique est toujours de couper après les ongles. Douche. Après la douche, parce que c'est plus mou. Bon. Mais si jamais tu fais pas ça, trempe tes doigts dans l'eau. Comme ça, quand tu vas couper tes ongles, le tout va pas s'envoler partout. Ah oui, ça, c'est gênant. C'est ça. À un moment donné, tu piles le pied dans la salle de bain, puis tu piles sur un ongle. Oui, tu fais ça à côté, mettons, ton coloc, ta blonde, ton chum, puis le bang, un ongle dans l'œil. Dans l'œil, rien de pire. Si tu fais un sandwich et que t'as pas envie de manger sur une assiette, on te conseille, prends un annuaire. Sa seule utilité à l'annuaire. Ouvre une page, mange, déchire la page. Mange, déchire la page. Au moins, il aura servi. Il sera pas directement au recyclage. C'est vrai. C'est comme une centaine d'assiettes gratuites. Si t'as une écharde, laisse faire les petites pinces, mets du scotch tape sur ton doigt, mettons, puis tire sur le scotch tape. C'est simple quand on se le fait dire. On apprend des choses de même. Si c'est une grosse écharde, tu peux prendre du duct tape. Oui. C'est exactement ça. Oui. Si tu veux pas avoir de côté chez PFK, tu mettons dans un restaurant comme PFK, tu veux pas d'à côté comme du macaroni au fromage. Macaroni ou pas au fromage. Macaroni. Salade de macaroni. Ou salade de choux. Ouais. Demande d'avoir plus de frites. C'est gratuit. Ils vont échanger ton side avec une frite. Mm. Des fois, c'est un petit peu évident, des fois. Mais bon. Ben, moi, j'aurais pas. Tu sais, mettons, Saint-Hubert, tu dis, salade de choux. Moi, un petit peu plus de frites. Pourquoi pas? Je vais être très heureux. Tant que la chance, d'après moi, ça va marcher. Ouais. Accroche tes vêtements sur le rack à serviettes pendant que tu prends ta douche, encore une fois, pour enlever les fripépouilles. Mm-hmm. Hein? Pendant que tu prends ta douche, la vapeur fait le travail. Si t'achètes quelque chose chez Apple, ou dans mon cas, sur goincase.com, moi, mon case d'iPhone, c'est une case, c'est ma marque préférée, j'ai plein de produits. Il est très beau, d'ailleurs, vous y voir. Génial. Donc, ce que j'ai fait, c'est tu remplis ton panier d'affaires, tu arrives pour faire le check-out, sauf que tu fais pas le check-out parce que t'as pas d'argent en ce moment. Quelques jours plus tard, ils vont tout le temps, Apple le fait et InCase le fait, ils vont t'envoyer un rabais de 20%. Ah ouais? Sérieusement, 20%, ça paye presque plus que les taxes ou même le shipping au complet, dépendant du produit que vous achetez. Intéressant. Ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est pour inciter en fait à acheter ce que tu as mis dans ton panier. Exactement, à revenir à ton achat que tu as failli faire. Ah, wow, pour vrai, c'est génial. Moi, j'achèterai plus jamais sur ces deux sites-là à prix. Mais non, mais une fois que tu le sais, c'est vraiment le fun, puisque tu perds rien. Non. Tu dis, je vais le commander dans 2-3 jours. T'sais, c'est pas si grave. Non, t'es pas ça se fait très bien. Wow. Si tu brosses tes dents après chaque repas, tu as moins de chances de manger entre les repas. Ah. À cause du goût, j'imagine. T'as la bouche propre, tu veux pas la salir. C'est comme quand t'as lavé ton comptoir, tu veux pas te faire à manger parce que c'est propre pendant 10 minutes. Tu peux mettre ton fer à passer sur la chaleur la moins élevée et sans vapeur pour aplatir du papier qui était froissé. Mettons, un document important. Là. Oui, comme les palmarès de C'est fou ici. Oui, puis là, on était tellement pressés, on avait plein de choses en main. Je sais pas comment tu fais pour que ton papier soit aussi frippé dans ton imprimante, man. Ben, je comprends pas. Mais bon, on va t'acheter un fer à repasser dans le budget de la corporation pour 2014. Voilà. Lors d'un long voyage solo, mets ton stéréo dans ta voiture un petit peu plus à droite qu'à gauche. Quand t'es tout seul du côté gauche, ton stéréo va faire un meilleur mix. Parce que d'habitude, le stéréo est fait pour les deux côtés. Si tu mets un petit peu plus de volume à droite, ça va plus s'envelopper. Parce que c'est plus loin. C'est exact. C'est une bonne idée, je trouve. C'est de la misère à te réveiller. Il nous en reste plus beaucoup. Là. C'est de la misère à te réveiller. Mets ton alarme à ton nom. Mettons, t'enregistres quelqu'un en train de dire ton nom. « Hey, Jean-Philippe, réveille-toi! » Tu mets ça comme alarme. Tu vas te réveiller plus vite. Hein? Remplis le bain d'un petit peu d'eau tiède avant de commencer ta douche. Comme ça, tu vas embarquer dans le bain. Ça va être agréable. Chaud. Puis ça va bien te réveiller. Tu vas passer une belle journée. Avoue que c'est pas fou pantoute. C'est pas fou. Justement pour se réveiller mieux, fais de l'exercice, fais des squats pendant que tu brosses les dents. Tu sais, brosser tes dents, ça prend peut-être 1 minute et demie, 2 minutes. Fais des squats pendant ce temps-là, tu vas être plus en forme. Je ferai jamais ça. jamais. Mélanger de l'eau salée avec de la glace dans un contenant, un peu comme le Magic Frosty Magic, l'affaire qu'ils vendent dans les grandes surfaces où tu peux te faire de la boisson, tu peux te faire une slush juste en brassant ton verre. Ça fonctionne en passant, je l'avais déjà parlé. Mais juste de mélanger du sel avec de la glace, ça va faire la même chose. Ouais. Puis on le recommande aussi quand, mettons, tu sais, tantôt on parlait de glacière. Tu sais, mettons, ta bière est très chaude. Ouais. Ben, tu mets, mettons, plein de glace, tu mets du sel. Fait que là, ton eau, elle gèlera pas, mais elle va devenir quasiment un petit peu en bas de zéro. Oh, c'est encore mieux ça. Fait que ça, ta bière, elle va refroidir, ou ton Pepsi, là, ta boisson préférée de chez Wack Burger. Voilà. Tiens, prenez une petite poêle, remplissez-la d'eau et d'extrait de vanille et de la cannelle. Tu mets ça sur le four et ça va sentir pareil comme dans une pâtisserie. Oh mon Dieu! Ça donne faim, je sais pas. Je capote. Si une image est brûlée dans ta télé plasma, tu sais, souvent les barres noires sur les côtés, ça m'est arrivé, ma télé est neuve de l'année passée, j'ai des barres noires. Ah, ça c'est plate. C'est vraiment plate parce que souvent on écoute beaucoup d'émissions rétro et on n'étire pas l'image parce qu'on trouve ça laid. Mm. Donc les barres noires s'impriment. Trouvez un poste qui a de la statique ou débranchez votre boîte câblée, montrez de la statique sur votre télé, ça va. Ça va la régénérer. Ça va régénérer l'image. Wow! C'est cool, hein? La statique, c'est genre la neige, là. La neige. Exactement. Le poste hivernal par excellence. Frotter une efface sur un écran LCD, ça peut enlever les scratchs, nous dit-on. Donc, avec une petite efface sur ton écran de téléphone, mettons, ça pourrait être à essayer. T'sais. Faites attention quand même. Essayez avec celui d'un ami avant. Voilà. Exactement. Comme on a dit, pour si vous voulez faire la blague de jeter quelqu'un en piscine, demandez-lui son téléphone cellulaire avant. Oui, faites la même chose, puis après ça, il se dépêche. Oui, c'est bon. Pour te rattraper. Encore une crosse, si vous voulez, vous vous stationnez illégalement n'importe où. Gardez une vieille contravention. Mettez-la dans votre auto. Pas dans votre auto, mais en dessous du lave-glace, truc, en tout cas, bref. Les essuie-glaces. Pareil où ils mettent la contravention. Souvent, ils vont même pas vérifier parce qu'ils se disent, il y a quelqu'un qui a laissé une contravention, fait que j'ai pas besoin d'en mettre une autre. J'ai déjà essayé ça. Ça marche pas. Oui, ça marche. Ah, ben, ça, tu vois. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que c'est une vieille contravention. Tu fais ça tous les jours, à un moment donné, on comprend, là. Oui, ils sont vengés. Oh, OK. Ben, ils sont vengés, mais on a juste mis une autre. Ah, OK, je pense que c'était un gros montant. Non. Une autre façon de se réveiller tôt le matin, mettez votre alarme 30 minutes plus tôt et regardez une émission de télé. Votre émission de télé préférée, ça va vous réveiller de bonne humeur. J'adore cette idée-là, pour vrai. Oui, puis bientôt, il va y avoir Assemblage requis. De retour le matin. Fait que, j'avoue. Ça, c'est pas vraiment besoin de la télé, là. T'as bien trop raison, mais quoi que juste regarder une émission, par exemple, tu sais, mettons, de dessin animé, c'est beau. C'est vrai. De bonne humeur. T'écoutes l'audio d'Assemblage requis, tu fais semblant qu'on est chacun des personnages dans l'émission. Oui, ça serait le fun. Une émission de marionnette. finalement, moi. On va finir avec, parce que je viens de dire qu'on allait finir avec un autre film. Mais utilisez pas de fabric softener, de l'adoucisseur à tissu sur les serviettes, OK? Parce que ça va enduire les fibres d'une fine cire, ce qui va les rendre moins absorbantes. Faut pas utiliser d'adoucisseur de tissu sur les serviettes. Je savais pas ça. Non, moi non plus. Tu vois, on s'éduque en même temps. Voilà. Donc voilà pour les instructions d'assemblage. Vous vous direz, bon, mais ça, quand même, ça ressemble normal, c'est un fait, en effet. Mais c'est pas pareil. Ben, c'est pas pareil parce que ça, c'est des trucs importants de la vie. Pour améliorer votre sort, votre vie. Donc voilà pour les instructions d'assemblage. On s'en refait ça une fois de temps en temps ici à Assemblage requis à la plage. Et on va passer tout de suite en pub. On revient après ça avec de la musique, dont Mehdi Cayenne Club. Reste là. Et Justine Renaud, on la voit, elle est arrivée. Ensoleiller notre vie. C'est fou, les extrêmes, ça nous anime. C'est F O U 89 1. Seigneur. On n'a jamais utilisé celle-là. Ah, je l'adore. Je la trouve vraiment bonne. Il nous reste quoi? Genre 4-5 émissions, on l'a jamais utilisé de l'été. Hey, écoute, c'est important de se faire des petits plaisirs comme ça. Vraiment, faut varier dans la vie, sinon hein, on stagne. Hein. Puis on l'a fait pour nous. Ben voilà. Ouais. Et pour vous, parce que vous gagnez tout dans la vie, sauf des prix, parce qu'on n'a pas le budget pour vous faire gagner des voyages. Oh, mais j'avais... la semaine prochaine. Un voyage? Non, j'ai un CD. Un CD? Oui. C'est vraiment pas pareil. Ben, écoute, ça m'est sorti de la tête. Moi, j'avais un CD qui va vous faire voyager. Good. La semaine prochaine. Ben, tiens. Parlant d'une voyageuse, une grande touriste, Justine Renaud qui vient d'arriver. Bonjour. Une grande touriste. Oui, t'as retouristé. C'est pas vrai. Un peu malade en ce moment. Oui, mais pas dans ce sens-là. OK. C'est plus mes poumons qui expectorent. C'est quoi le verbe? Expectorier. En tout cas, expect, bien expected. Ils expulsent des affaires que je savais pas que j'avais en dedans de moi. De différentes couleurs. Des démons. Ah. Ben, tu sais, il faut que ça sorte. Hein. Ouais. Oui. Donc, tantôt, parlant de sortir, en fait, tu vas nous parler d'une récente sortie musicale. Non, je sais pas. J'essaie c'est de faire vraiment, un game, vraiment pas récent. Non, je sais bien. Comme vous le savez, moi, c'est parce que, tu sais, je procrastine partout dans toutes les sphères de ma vie. Et ça aussi, je suis très. En fait, je suis à peu près 5 ans en retard avec eux autres, ce groupe de musique fabuleux du Brésil. Ce groupe de musique? De musique? Puis bonjour, ici Pierre Bruno. Ah, monsieur Bruno! Bon, ben, c'est ça, oui, c'est moi. J'ai vraiment une voix sexy, quasiment. Oui, ben, tu sais, ça rend tout le monde plus sexy. C'est Anne-Marie Lozic, ouais, bonjour. Je sais pas, comment qu'elle parle, elle? Ben, elle parle un peu niaiseux. Je savais pas qu'elle parlait. Je pensais que c'était un robot. C'est une femme d'affaires. Moi, j'aime ça la voir comme ça. Femme d'affaires. Pourquoi on parle d'elle? Anyway. Je sais même pas comment on s'est rendu là-dessus. Je sais que, donc, on parle de CSS tantôt. Hein? CSS, yo, dans la chronique Justine Procrastine. Pour l'instant, es-tu prête pour une autre chanson? Moi, je suis toujours prêt. T'es prêt? Je sais pas à qui tu parlais. Tu parlais un peu dans le vide. Je parlais à Justine. Ouais, je regardais en fait. Il y a mis un E après. Ah oui, j'avais pas vu. Es-tu prête? Es-tu prête à l'entendre, Justine? Es-tu prête à annoncé, JP. Oui! C'est la position numéro 8 qu'on s'en va entendre. Ça monte de la 19e place. C'était nouveau la semaine passée. Oui, donc c'est le nœud de Mehdi Cayenne Club. Ouh! Mehdi Cayenne Club. Oh. Ça fait hispanophone. La peur est un voleur que l'on invite chez soi. Toute la douleur du monde conspire en entendre un Medicalian Club et le nœud qui monte de la 19e à la 8e. Ça veut dire quoi, un bon de 11 places? Hein, c'est ça? Un bonbon de 11 glaces, comme oui. La crème glacée. T'sais. Oui. C'est toujours le fun quand on voit cette expression-là des glaces. Au Québec, je trouve ça fancy. T'sais. Je trouve ça cute. Wow! Toi, c'est le marchand de glace. On découvre des talents. Là, oh, écoute, moi, je peux... c'est ça. Je peux faire des sons. c'est quoi comme son, ça? C'est un... Si on peut pas appeler ça du beatboxing. Non. Sûr, là, c'est vraiment ouais. Juste une trompette buccale. Ouais, c'est ça. J'ai une bonne trompette buccale. Un peu plus un trombone, excuse. Trombone buccale. Ouais. Bon. J'ai un trombone buccal, Mathieu. On a compris. Cool. Ouais. Ben, c'est super, ça. T'sais. Moi, je suis en train de chercher la chanson de Le Couleur. Ben oui, OK, c'est ça. Je me demandais ce que tu faisais. C'est ce que je m'en... je la trouvais pas. T'sais. Celle-là, ouais. Pas grave. Tout m'est pardonné aujourd'hui parce que j'ai eu un malaise plus tôt. T'sais. Oui. Fait que pas de trouble avec ça. T'sais. On en reparlera même pas. Hey, on va faire une pub avec ça. Bonne idée. T'es fait tough, puis tout. Peu importe ce qui arrive. Une radio qui persévère malgré tout. Persévère. Oui, perd. Une radio qui perd ses verres. Wow. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Le Couleur, femme. Persévère. Le Couleur. Le sonaté? Oui. En rose. Juge-moi pas. Viril. C'est le couleur et femme, position numéro 7, ça monte de 13. Une autre nouvelle entrée de la semaine passée sur l'album Voyage Love. Adorable chanson. Ça aussi, ça fait un bonbon. Hein? Pour vrai, le couleur, c'est vraiment excellent. Et plein d'autres choses sur notre palmarès sont excellentes. Mm-hmm. Dont Justine, qui encore une fois repousse à plus tard. Mais c'est comme ça, elle procrastine. Oh, comme d'habitude, je suis désolée. Faut que vous... si je peux me mettre en contexte personnellement, là, okay, pour toutes les excuses que j'ai pu régurgiter dans ma vie, celle-ci est vraiment valable. Je devrais effectuer un passage direct à la fin du mois d'août de la maîtrise au doctorat. Oh! Ah, je suis un peu à bout. Oh mon Dieu, je m'en allais chanter. À bout de faire. Ah, ben, il ne faut pas faire ça. Des plans que je t'écris un autre malaise. On va censurer. S'il te plaît, fais-le. Le magique bouton. Là, de le genre, magique oh, mon Dieu, bouton. Il se passe quelque chose en studio. Et si vous avez plus maintenant, vous allez en avoir deux. Magique bouton. C'est bon. Bref, c'est ça. Fait que je suis très occupée au laboratoire de neurobiologie cellulaire et j'aimerais Fido. Saluer mes comparses. Il devrait être commandité par Jean Bell ou Fido, le département de cette affaire cellulaire. C'est comment c'était parti. Ce serait génial, ça. Comme des jardins pour le pavillon de je sais pas quoi. Oh, j'aime ça. C'est une très bonne idée. Cool! Je suis encore ma trompette. Ouais, bravo. Ouais. À l'arrivée du... Ouais, toi, t'aurais dû être là dans la salle d'accouchement de Kate Middleton. Ta bébé royale. Oui. George, ouais. George, ça valait la peine d'attendre comme super longtemps puis de passer... Il s'appelle George? 24 heures sur 24. George? Après. Oui, George. George? George Alexander Louis. Il est né avec un pinch? Quelque chose? Moustache. Il est né avec une moustache. Il est né avec tous les vêtements de Walmart de marque Georges. 725. Ouais. Yeah, pro. Pro. Si ça avait été une fille, ça aurait été Jessica. C'est parce ça. Que ça, c'est l'autre marque. Tu vois. Hein? Puis Georges TM. Curieusement, il n'arrête pas de monter dans les arbres puis il mange des bananes. Georges George, George de la jungle. George de la jungle. Waouh, ouais, on est fort aujourd'hui. Pas sérieux? Ouais. Trois invalides. C'est notre jour, c'est notre sortie de la semaine. Oui. Oui. Ici dans notre beau HLM studio de C'est fou. Ouais. Non. Tombe à plat, celle-là. À la maison, juste baisser le subwoofer parce que je vous garantis pas que c'est pas contagieux, hein, tu sais. Baisser la bass. C'est par là que ça passe les bébites, vous saviez pas? Drop the bass. Drop the bass. Drop the bass. Like it's hot. Donc, Justine procrastine encore une fois pour quelques minutes. Je suis désolée. Pour l'instant, on écoute la prochaine position, c'est-à-dire la numéro 6, JP. Oui, on va aller avec ponctuation. Ciao, bye, ciao. Oh, wow, ponctuation. Point, virgule. Poup! Magique bouton! Magique bouton! Ouh! Ciao par ponctuation. Numéro 6, ça monte d'une place du côté francophone dans notre palmarès. Et sais-tu que se termine la première moitié de l'émission? Deuxième heure qui se termine, JP? Ouais, oui. Je ne peux qu'acquiescer. Je confirme. Ben oui. Justine, es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu secondes? Je seconde, je triponde. C'est adopté à l'unanimité. Parfait. Et on s'en va en pause. En train de déboucher la toilette, ça reste. Bon, c'est la troisième heure d'Assemblage Rock à la place de Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Stéphanie Paradis n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Peut-être qu'il va venir faire un tour tantôt. Maybe. Ce n'est pas confirmé, mais va essayer, va faire son gros possible parce que c'est plate de cette année. On l'a pas bien souvent, notre Stéphanie nationale. Ah, ben, elle va revenir. Faut pas. Ne vous inquiétez pas. À la maison. Don't worry, be happy. Elle va revenir, comme on dit. Donc, voilà, on va continuer tout de suite avec notre chronique qu'on repousse à plus tard depuis des siècles et des siècles, des millénaires, même, j'ai l'impression, par moment. Hein? Hein? Hein? Donc, voici Justine Procrastine. All this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm standing in bed today. And it doesn't matter what the app is say to me. Or it cares just what the app say to me. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Et qu'on n'est pas fiers de moi jamais. C'est pas grave. Tout en retard, tout le temps, la dernière arrivée. C'est quand t'es là. C'est quand je suis là. C'est ça. Ah, mais là, mais moi, je me trouve quand même bonne avec un taux de présence de quelque chose comme 90%. J'imagine quelque chose. Ouais, sur, 85. Sur ta carrière au complet, peut-être. Oh boy. Sur la session. La session été. Ouais. La session été. Quand même pas mal, là. Hein? Je pense qu'elle était plus souvent là que moi. Mettons sur une échelle de 1 à David Ferron. J'ai raté une deux émissions. OK. Ben c'est oui, mais moi aussi, je pense, deux, trois. Même des fois, c'est comme... C'est des affaires qui arrivent. C'est pas grave. Je peux-tu être plus vague que ça? Non, non. C'est que si on était à la plage, j'ai des vagues, là, j'ai pas autre choix. Avec le contexte économique actuel. Oui. C'est ça, j'ai pas le choix. Le cas échéant. La conjoncture. C'est de la faute à Stephen Harper. Exactement. Bon. Bon, donc, faut le dire, c'était au bar parce que les shooters sont pas chers. Ici, au tout inclus. Exactement, je suis rentrée au bar, dans le fond. Donc, aujourd'hui, on parle de CSS. Ah oui, CSS, c'est un groupe qui, en fait, je sais pas comment que je suis tombée là-dessus. Quand tu es tombée dessus, ça fait cassé! Faut pas se rendre avec CSI. CSI, oui, les experts. C'est les on experts me t'a pas donné une lettre, sinon, mon Dieu, ça fait une drôle de... Je peux pas en toute la même affaire. CSST, c'est ça qu'on parle, finalement, CSST. De CSST. Si tu glisses sur un CSI. Ouais, CSST. On peut-tu arrêter ça? Je sens de mal. De plus en plus mal. Bon, CSS, ça doit faire facilement 5 ans que je les connais, mais maintenant, j'essaie en ce moment de me souvenir comment je les ai connus et oui. Ça m'échappe complètement. Mais je pense, c'est des affaires qui arrivent. Des fois, je pense que tu entends une chanson à la radio et tu te dis, ah, c'est bon, puis tu investigues. À une radio plus alternative. Tu vois ça, ou bien je l'ai entendu dans un film. Ou une pub. Mais il y a quelqu'un qui m'a prêté son album. C'est plus ou moins pertinent de comment vraiment tu l'as. Entendu, mais... Okay. C'est que ça me chicote depuis tout à l'heure. Ouais. Je m'excuse. Je procrastine encore. C'est comment cette de ne pas semaine, faire une chronique. Oui. Ouais. Cette semaine, en fait... J'ai du ménage à faire. La table est sale. Ah, la table est... Je cours la vraie. Je peux vous organiser vos CD en ordre alphabétique. Bon, mais à part d'être niaiseuse en ce moment, là, j'ai procrastiné cette semaine en tombant malade, donc je m'excuse déjà en avance d'avoir une voix aussi sensuelle. Oui. D'habitude, j'ai une voix un petit peu nasillarde, aiguë et fatigante, et maintenant, vous allez devoir endurer ma voix de... Rogue. Rogue and roll. Rogue and roll. Rogue classique, l'émission du vendredi. Exactement, la Tom Waits. Rogue classique. Rogue classique. Oh, wow! C'est très bon. C'est dommage bon, ça. Ouais. Bref, CSS, le groupe qui m'intéresse aujourd'hui, est en fait originaire de Sao Paulo au Brésil. Alors, Caliente! Oh, oui, muy caliente! Aïe, aïe, aïe! Leur style musical, par contre, est à la fois rock, pop, indie, électro. Donc, on est très loin des palmiers et des douces sambas brésiliennes qu'on adore tellement. On a d'ailleurs étiqueté le groupe comme participant à l'explosion de la nouvelle scène rave. C'est quoi, dans le fond, la nouvelle scène rave? On appelle ça le New Rave, qui est devenu populaire entre 2005 et 2008 et qui consiste en de la musique électro New Wave, comme on peut l'entendre chez certains groupes comme les Klaxons, Shit Disco, Late at the Pier, etc., etc. Tous d'excellents groupes, mais vous voyez un peu genre comme un peu hyperactif sur l'électro, mais avec de la guitare. Là, c'est très bon. Bref, pour revenir à CSS, leurs compositions sont essentiellement en anglais, mais parfois en portugais également. Donc, ils ne parlent pas espagnol au Brésil, tout le monde, ils parlent portugais. Notre blague de caliente tombe un petit peu à plat dans ce cas-là. Oui, ça se peut que ça soit caliente Tao, je ne sais pas, avec un accent à une drôle de place. Là. Ça, c'est, on dirait que quand tu commandes un général Tao, caliente Tao. Général Tao chaud, ouais. S'il vous plaît. Mais CSS est en fait l'acronyme de « Cansei de ser sexy » qui veut dire « Je me suis tannée d'être sexy ». On peut-tu avoir plus de swag pour un groupe qui se dit être tanné d'être sexy? I'm not sexy and I know it and I don't want to be sexy. Anymore. Comme la chanson. C'est too much. Anymore. Hein? Ouais. Mais il paraîtrait d'ailleurs que le nom fut emprunté de la déclaration de Beyoncé qui a dit auparavant « I'm tired of being sexy ». Hey, c'est dur la vie. Ah, oh, c'est assez difficile d'être Beyoncé, avoir un six-pack à longueur d'année, maudite. Bon, bref, elle a un beau body. Hein? Yeah. En 2005, CSS signe avec la label Trama Virtual. Ben, j'imagine que c'est comme ça que ça se prononce en portugais. Trama ça... Virtual. Trama Virtual. Et ils lancent leur premier album sous le titre Can't Say This Are Sexy, populaire surtout en Amérique latine. Certaines chansons ont même erré sur les ondes de la télé latine-américaine dans des émissions telles que la version brésilienne de Big Brother. Maintenant. Exactement. Attends, c'est quoi ton frère en espagnol? C'est. Hombre. Non, c'est pas hombre. C'est mujer, c'est une femme. C'est. Laissez faire. On va aller écouter déjà une première chanson. Je vais rafraîchir mon portugais. La première chanson, ce sera Music is my hot, hot sex. Une chanson que vous avez peut-être entendue dans des films ou dans des séries. Là. C'est une chanson qui repasse souvent. Donc, on écoute ça à Justine Procrastine. Tirado da escola, não ia cheirar cola, mas quero levar ali. fréquencer qu'on saute pas bien. J'ai pratiqué mon portugais. Wow. Et c'est, ça sonne-tu bien? Oui. C'est pas si pire, impressionnant. Hein? Impressionnant, impressionnant. C'était Music is my hot, hot sex de CSS. Dit avec ma voix de même, ça sonne Tom Waitress. Tom Waitress! Ah, hey, que je de suis bon, une Tom Waitress. J'aime ça. Grande Hermano. Oui, oui, des chansons de CSS qu'on peut entendre dans Big Brother version latine. Donc, Grande Hermano. Mm-hmm. Aïe, aïe, aïe! J'ai une collègue au laboratoire qui est argentine et j'espère qu'en ce moment, elle ne nous écoute pas pour pas c'est que honteux, j'entende. Oui, c'est assez honteux. J'ai vraiment un terrible accent en espagnol. En fait, je parle pas espagnol. Point. Puis je parle encore moins portugais. Tu parles espagnol comme une vache espagnole, dans le sens que tu parles pas parce que c'était une vache, tu sais. Mm-hmm. Je suis pas mal une vache. Je suis une vaca. Vaca. Vaca. Vaca. Je pense que les vies sont dans les baies là-bas. Vaca. Exactement. Vacata. Voilà les Dalton. Okay. Depuis tantôt, j'essaie de la plugger. C'est fait, là. C'est fait. T'as des moi, j'ai comme une checklist, moi, à faire pendant les émissions. Avec ton crayon rouge. Rose. Ouais. Rose. C'est ça que tu faisais pendant qu'on écoutait la chanson. Ouais. D'ailleurs, avant qu'on parte en musique, on était rendu seulement à leur premier album. Mais ouais. Ça, c'est passé quand même beaucoup d'affaires après la sortie de leur premier album en Amérique latine. En 2006, on annonça la mort d'une des membres fondatrices, Wendy Bishop. On ne connaît pas les circonstances de sa mort. J'ai beau fouiller partout sur Google. J'ai rien trouvé, malheureusement. J'ai trouvé une fille qui s'appelle Wendy Bishop qui, aux États-Unis, s'est mis un shotgun dans la bouche et s'est tuée, mais c'était pas elle. Pas elle, non. C'était pas elle. Non. Écoute, on salue la famille de Wendy Bishop, oui. Amérique. Mais c'est ça, elle est décédée et à ce moment, CSS lançait leur album Can't Say This Are Sexy à l'international. Et seulement un an plus tard, ils avaient déjà vendu plus de 60 000 copies en Europe et aux États-Unis. Mm. D'ailleurs, une chanson qui aurait pu devenir très populaire aux États-Unis, c'est la chanson Meeting Paris Hilton. Parce que dans ce temps, en 2006-2007, on était à l'apogée de l'ère Paris Hiltonienne. Et on va entendre d'ailleurs cette chanson immédiatement, juste pour vous donner une idée d'à quel point ils peuvent être fendants. Pas celle-là? Excusez-moi. Elle sonne bon, là, mais... Elle sonne pareil comme l'autre. Elle sonne pareil comme l'autre. C'est celle-là. Similaire à l'autre. Thank you, Mathieu. Je pense que that was awesome. So hard. She came to me and said, cœur. Ils disent beach, B-E-A-C-H, parce qu'on est à la plage. Oh. Mais en fait, saviez-vous, les paroles, pour vrai, là, je suis désolée, c'est un peu vulgaire, mais elle dit, do you like the beach, bitch? Ils sont en train de nous demander à nous. Paris Hilton nous demande à nous si on aime la plage, bitch. Vache, ouais. Vache. Ben, c'est sûr qu'on aime ça, on anime de là. Exactement. T'es inclus. C'était donc la chanson Meeting Paris Hilton. Je ne sais pas sérieux si le groupe CSS a déjà rencontré Paris Hilton. Ce serait intéressant de savoir avant et après la sortie de cette chanson-là, voir, en tout cas, bref, leur relation avec l'attitude de Paris Hilton qui peut être parfois un peu bizarre. Bizarre. Spécial. Traumatisant. Si on continue dans notre étude chronologique de CSS, band brésilien, on serait rendu techniquement en 2008 où ils sortent leur album qui s'appelle Donkey On. Ça a beaucoup de charme. Sur cet album-là, franchement, moi, j'ai vraiment... cet album-là m'a vraiment beaucoup plu, pour vous dire, là, juste en partant. Plus tard, ils ont sorti La Liberación et Planta de 2010. En hommage à moi, évidemment. Matteo Planta. Mais ces deux albums-là, j'ai pas eu l'honneur, l'opportunité de les écouter, malheureusement. Donc, je dois vous avouer que ça doit être probablement très bon. Mais je me suis arrêtée à Donkey parce que j'ai procrastiné pendant ce temps-là à écouter plein d'autres groupes. Ah, mais un petit fait un petit peu intéressant, je trouve quand même, c'est que malgré le fait qu'ils ont passé à peu près une dizaine de membres dans leur band, ayant à peu près 5 à 6 membres en tout temps dans leur band, le seul gars qu'il y avait, qui est resté presque tout le temps, a décidé de quitter le band en 2011 parce qu'il trouvait que les membres du band, pardon, je vous rappelle c'est que charmant. J'ai mangé un peu de Tom Waits en fin de semaine. Donc, c'est ça. Il trouvait que les membres du band étaient un petit peu difficiles à vivre et qu'ils avaient de la misère à jouer leur propre instrument. Ah non. Fait que ça fait à peu près quoi? 6 ans, mon homme, que tu joues avec les mêmes 5-6 femmes puis que tu viens de te rendre compte que c'est toutes des filles SPM en même temps qui jouent des instruments, tu croches. Et il est à temps que tu partes, là. Moi, j'ai plus l'impression qu'il n'a pas réussi à s'en faire une dans la... Parce qu'il est vraiment pas... Tu sais, il a une moustache, le gars, là. Oh, comment? Ben là, j'ai rien contre les moustaches, mais il a vraiment l'air d'un... Gino. Il y a un petit peu de l'air d'un Gino dans une roulotte. Okay. Mais je les aime, les Gino dans une roulotte. C'est juste que toutes les autres filles ont comme, ils ont plus l'air lesbiennes, en fait. Je vois pas pourquoi il se serait attendu qu'il y ait une relation qui pousse. Mais là, je suis tellement en train d'inventer. Un peu, hein, l'histoire. C'est comme un téléroman, ça, oui, mais sans aucune base. Ben, on préfère une émission que ça. Ouais. S'il vous plaît, m'envoyez pas de mise en demeure pour diffamation. Là. C'est juste... Je n'avais pas de moustache. Moustache. Voilà donc. Et on parlait du dernier album. Ben, pas du dernier album, en fait, de l'album qui est sorti en 2008, que j'ai beaucoup apprécié, qui s'intitule Donkey. Une chanson que j'ai énormément aimée, que je veux vous faire entendre, c'est Give Up. Et Mathieu, il va nous faire jouer cette chanson-là parce que c'est un magicien. Oh. Hein? C'est impressionnant. Je trouve que c'est dans sa manche. C'est dans sa manche. Ma moustache. Been waiting so long. Anyway, how does C'était Give Up de C.S. Tu l'as dit, c'est très simple, mais en même temps très accrocheur. Exactement. La force de C.S.S., à mon avis, c'est la simplicité de leurs chansons. Et d'ailleurs, ça va main dans la main avec le commentaire d'Adriano, leur seul homme dans le groupe qui a quitté il y a 2 ans. Monsieur Moustache. Qui disait que les filles avaient de la misère à maîtriser leurs instruments. Ben écoute, peut-être par le fait qu'ils ne maîtrisent pas leurs instruments puis qu'ils font à peu près 3 accords, c'est très accrocheur. Moi, j'y trouve vraiment... Dans leur simplicité et la petite popote qu'ils font, là, c'est comme un petit peu... Oui. Là, c'est très c'est narrow. Réconfortant. C'est réconfortant, c'est bon. Bien dit. C'est ça. C'est difficile de maîtriser ton instrument quand t'as Adriano qui n'arrête pas de leur demander aux filles « Veux-tu maîtriser mon instrument? » Oui! Mon pipeau. C'est ton pipeau. Pipeau. Mon pipeau. Je vais la noter. Oui. Veux-tu... C'était quoi? Veux-tu maîtriser mon instrument? Le pipeau. Voilà. OK, vraiment bonne, les gars. Donc, merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. Ça, c'est de la musique à écouter quand on veut pas se casser la tête. Et si on est vraiment un fan des absurdités, de la complexité Pink Floydienne, écoutez pas ça, par exemple. Quand tu veux pas te casser la tête, CSS. Parce que ta collègue était extrêmement bonne, tu sais. CSS, extrêmement bonne. Hé, hey, sérieux, t'es mitraille aujourd'hui, ça? Ouais, hein? Comme moi, j'étais en train de t'écrire, j'ai pas suivi. Tu peux faire une récapitulation? un best-of? Je vais te décapsuler une... mes blagues. Caps? Marche pas par ça avec le non, pas celle-là, hein? Non. On n'adaptera pas ça. Donc, à la semaine prochaine, Justine, est-ce que tu restes avec nous un petit peu? Bien sûr, je vais rester un petit peu, parce que vous êtes donc bien beau. Un petit poquito. Poquito, pipoquito. Un poquito. Hot pocket. Poquito pipo. Oh, misère. On est rendu à la 5e place du palmarès francophone. Oui, on y va avec Caféine, lettre d'amour. Ben non, mais là, c'est la 2e de Caféine dans l'émission. Moi, je veux juste écouter. C'est Caféine, là. C'est Xavier qui a oublié son prénom. Là. Ben, il a délaissé. Il a délaissé son prénom. Il était avec Snoop. Snoop Dogg. C'est Snoop Lion. Ben oui, c'est ça. En fait, ouais. Moi, Xavier Snoop. Ouais! Je sais pas. Puis, OK, mais c'est correct, hein? Dog Caffeine. Snoop Dogg. Snoop Dogg, Dog Caffeine. Ouais. Ouais. Bah, bof. On va se laisser sous ce malaise-là. Ouais. Hey, c'est l'ancien numéro 1 d'ailleurs, hein, Caffeine, fait qu'on a le nouveau numéro 1. Ça change, hein? Attention. Surprise! Donne-moi mon cœur. Caféine est lancé numéro 1, francophone, lettre d'amour sur l'album New Love. C'est la deuxième pièce, on l'entend, vous avez Caféine aujourd'hui. On a eu la position numéro 18 en nouvelle entrée, l'orpheline en début d'émission tantôt. Et Colin, hein? Ça va bien pour lui dans le palmarès, c'est fou. Bravo! Mm-hmm. Hein? Il est comme un petit peu, comment dire, excité à cause de tout ce qu'il a bu. Ben oui, puis il envoie des lettres d'amour à tout le monde. C'est son cœur qui, qui explose. Je pensais que c'était lui qui cognait dans la valise du chat. Je sais pas, moi, j'étais un peu plus morbide. Hein? Ouais, un petit peu. Hey, est-ce que vous pensez que, qu'il achète tout son café chez, dans une épicerie qui porte le nom de famille Bois? Peut-être. Parce qu'on parlait de boire tantôt, comme c'est un drôle de nom de famille. Oui. Ben, c'est pas si drôle, je veux dire, mais ça dépend avec quoi tu agences le nom de famille. Je veux dire, si ton prénom c'est Jesse, Jesse Boire, ça fait quelque chose, hein? Ouais. C'était ça, c'est ça. Ça valait pas vraiment peine. Okay, attends, je vais annoter. Ouais. Je vais annoter pour ma minorité visible. Homophobe! Des titres d'épisodes, ça peut être fait par. Par Justine, finalement, notre seule minorité visible de toute l'émission au complet. On n'a personne d'autre d'aucune minorité visible. Non. Personne d'autre. Et on revient dans deux minutes. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours en sommeil à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Ah, excuse-moi, j'avais perdu mon coquillage. Ah, ton coquillage, tu viens cacher ton coq. Oui. On utilise beaucoup plantes. Ça. Moi, je trouve que j'abuse du mot coq aujourd'hui. Non? Ben, je sais pas. C'est peut-être parce qu'on était deux garçons tantôt, on faisait des combats de coq. Eh oui, ben c'est ça. On était dans le festival de la saucisse, mais finalement, on s'est rendu compte que... Le festival de la saucisse, des combats de coq à ta minute, là. Fais attention. On n'était pas sûr si on allait avoir une présence féminine à l'émission d'aujourd'hui, parce que Stéphanie, en passant, n'est pas là. Vous avez remarqué. OK, c'est ça. Et Justine a tendance, sans vouloir t'offusquer, à ne pas vraiment être là à l'émission. Donc, on se demandait si on allait être juste... Deux messieurs. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, c'est pas le cas. Pas le cas! Donc, ce qui nous amène, hein, c'est une grâce splendide à la chronique C'est un fait! Param, param. On continue. Param. Param, param. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Petite chronique aujourd'hui quand même assez simple. Contrairement aux semaines passées, on avait beaucoup trop de faits. Là. Ça va bien cette semaine. Ben oui, c'est vrai, tu m'avais dit « arrête-moi quand tu veux ». Puis je me suis dit « non, je n'arrêterai jamais ». On va essayer de liquider la marchandise, ouais. De mettre ça à rabais, vente de feu. Tout doit partir. Voilà. Deux pour un pour tout le monde. Commençons avec le fait que les lutteurs sumo, avant, se faisaient injecter une boule de silicone dans leur tête pour réussir à avoir la bonne grandeur pour participer au sport. Je sais pas c'était exactement quoi la grandeur, mais il fallait qu'il soit d'une certaine grandeur et il l'avait pas, il se mettait du silicone dans la tête. C'est un peu plus évolué que le film Le Petit Monstre, où la fille se met des sabots pour monter dans le manège. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah non, mais parce qu'elle est rendue dans le manège, il se passe des affaires poches. Ah ben vomi. Puis tout le monde vomit la même couleur. Ouais. Moi, c'est tout ce que je me rappelle. C'est moins pire que récemment aux États-Unis, la fille qui est morte dans un manège. Hein? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oh mon Dieu! C'est un peu déprimant, ça. Mais... Celui-là, récemment. Oui, très, très récemment, ça s'est passé. La madame était trop volumineuse, comment dire, que la barre de sûreté du manège a clenché un coup au lieu de trois. Hein? Et en tournant le coin, pouvait tomber sur une genre de poutre de métal et puis elle est morte. Voilà. Oh mon Dieu! C'est un fait. C'est... En 2011, il y a eu 5 bébés qui sont nés aux États-Unis et ils portaient le nom Prince William, mais en un seul mot. Prince William, un mot. 5 bébés. Ouais, là, j'ai les bras à terre. C'est incroyable. Là, ça va être Prince George, là, avec le nouveau petit bébé de Kate Middleton. Prince G! Prince G! Yo, I'm Prince G! Ça va être mon nom d'artiste. Yo, ici Prince G, vous écoutez, c'est fou. C'est tellement bon. La reine Victoria, parlant de la famille royale. Non, parlant de manège, parce qu'elle aussi était volumineuse, hein, Madame Victoria. Ah, ben, Colin, t'es donc bien... Excuse-moi, là. Non, c'est correct. C'est ça. Oui, c'est un fait. Les dents de lait de ses enfants, elle a fait faire des bijoux avec. Hein? Ben, voilà. C'est intéressant. Une étude en 2009 nous a appris que... un prince Albert. Je la trouve vraiment bonne. Des bijoux. Hein? Non, elle a fait faire des bijoux. Ouais. Avec. Avec là. Puis là, elle a fait un Prince Albert. Elle a fait un. Ça veut dire quoi ça? Prince Albert. C'est un trou. OK. En fait, c'est pas un. Oh non! Oui, on dirait quelque chose de sexuel. Prince Albert dans le. C'est dans le zouizoui. Gland? Ouais, attends ça comme ça. C'est genre un. Je sais pas si c'est un anneau ou une genre de boucle de gland, là. Au lieu d'une boucle d'oreille. Une boucle de gland. Oh, wow! Vous voulez pas avoir une dent de bébé, là? Moi? C'est beau. Ouais, ben là, moi, non. J'en ai pas, là, mais tu sais. Non. Là, c'est ça, les dents de bébé, c'est un peu. T'as été chercher ta joke tellement lourde. Mais c'est parce que c'est royal. T'as besoin de lift pour venir? Ah, j'ai pris une fusée. Une étude en 2009 nous a appris que les hommes allemands étaient les pires amoureux du monde. Les Anglais sont les deuxièmes pires. Ah. Oh! Dont la famille royale britannique. Les cigarettes Marlboro Red, d'accord? À l'origine, avaient des filtres, c'est le bout filtre, rouge, pour cacher les traces de rouge à lèvres. C'est des cigarettes pour femmes. C'est tellement comme, genre, arriéré, là. Faut que la femme laisse cette cigarette avec le bout rouge. Franchement, on est. En tout cas, ben c'est dans le tas. J'espère vrai. Qu'il y avait les 10 000 déclinaisons de couleurs. Oui, pour chacune des couleurs de oui. rouge à lèvres. On ne sera jamais capable de s'assurer de qui était l'inventeur de la borne fontaine parce que le brevet a été détruit, ironiquement. Par le feu. Par le feu, comme dirait Alanis Morissette. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment ironique. Selon le National Honesty Index de la compagnie Honest Tea, ok, c'est une compagnie de thé qui s'appelle Honest Tea. Encore une fois, je dis l'Hawaï. Hawaï et l'Alabama sont les endroits les plus honnêtes au monde. Les moins honnêtes, Washington D.C., pas très surprenant. Là où se situent les politiciens. La seule femme de l'histoire à avoir marié le roi de France et le roi d'Angleterre était Eleanor of Aquitaine. C'était son nom, Eleanor of Aquitaine. Les deux en même temps? Ben, tu parles d'un triangle amoureux, tu vois? Peut-être, hein? Triangle sur une longue distance. Tu sais, quand t'as une relation longue distance, là? Oui. J'imagine qu'elle déménage là-bas. T'es mieux d'avoir un bon forfait. Oui. Cellulaire. De roaming, sur ton cellulaire. Quatre hommes dans l'histoire de la boxe ont eu un knockout à l'intérieur des 11 premières secondes du premier round. T'imagines la honte? Quatre hommes. 11 secondes au moins. Les chances d'avoir un four of a kind aux cartes. Le four of a kind, c'est quatre de la même suite. Sorte, voilà. Dans un jeu de poker à 5 cartes, les chances sont de 4164 contre une. Ouf. D'avoir un four of a kind. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu mises pas ta femme là-dessus. Pas tout à fait. Un homme a été propriétaire de et a conduit la même voiture pendant 82 ans. C'était une 1928 Rolls-Royce. 82 ans. Mon On a Dieu. Une photo sur assemblagerequis.com. Je suis proche avec ma tercelle, par exemple. Watch out, monsieur, je vais vous battre votre record. Ça n'a pas autant de classe. Regarde ça comment c'est cute. Oh! C'est vraiment cute. Le monsieur, il est cute. Il faut juste que j'achète une roue sur le côté parce que le monsieur, lui, il a une roue sur le côté de sa porte. Je sais pas si c'était là, sur le côté, avant d'être dans le. Ça, c'est quand il neige beaucoup puis il y a des bandes de neige. Tu peux comme. Tu as la roue qui vire pour t'aider sur le bord de la rue. L'artiste qui chante, la roue vient t'aider. La roue! Sinon, tu peux. Tu tapes un roue. Tu dis, oh oui, j'ai le haut de ça. Déplacé. Oh. Tu te vires, là, tout notre auditoire, 80% de notre mais auditoire, oui, aujourd'hui, les dernières codes d'écoute sont roux, là. Oui, attends, c'est vrai. La compagnie Abercrombie & Fitch, vous connaissez la compagnie de vêtements? Ah, ils sont méchants, eux autres. C'est sûr qu'ils veulent pas engager des gens qui ont des déformités ou qui sont pas de la bonne couleur. Ou bien qu'ils veulent pas faire du linge qu'ils vont faire à quelqu'un qui... pas de XXL. Ils sont tellement bizarres. Et non seulement ils sont bizarres, mais en plus, ils brûlent les vêtements qu'ils ne vendent pas. Ils veulent pas les donner. À des œuvres de bienfaisance parce qu'ils veulent pas que des pauvres portent les vêtements Abercrombie & Fitch. Je suis répugné. S'il vous plaît, si vous avez du Abercrombie & Fitch... Ben, brûlez-le, parce que c'est... repassez-y, là, franchement, là, voilà. Sérieux. Un propriétaire, d'accord, donc une personne qui était propriétaire d'une maison, a attrapé un passant qui courait devant sa maison en train de déféquer finalement dans sa cour. Okay? Après avoir été questionné par la police, le coureur a admis qu'il avait fait ça pendant 20 ans de suite. Pendant 20 ans, quand il courait le matin, il venait faire kick sur la cour, dans la cour d'un gars. C'est-tu ce gars-là ou n'importe quel gars? Le coureur a admis lui-même l'avoir fait pendant 20 ans. Oui, mais c'est ça, sur la même cour? Ah, sur la même cour. Ça, je ne sais pas si c'était sur la même cour, par contre. C'était qu'à un moment donné, quand tu cours pendant longtemps, là, c'est normal là, que ton colon, oui, mais peux-tu au pire courir sur une plus courte distance et savoir que tu vas être rendu à la maison avant d'aller là-dessus? Mais c'est à cause que c'est probablement marathonien. Ça fait 20 ans qu'il court, puis qu'il court tellement longtemps qu'à un moment donné, il a envie d'aller à celle. Faut pas j'arrête. Traîne-toi un verre, quelque chose. C'est un running gag chez les marathonniers. Un running gag, une blague à la course. Une blague à la course chez les marathonniers, pour vrai, là, concernant l'envie d'aller à la selle pendant qu'on court. Je vous niaise pas. Non, mais c'est correct. C'est pas parce que tu veux aller à la selle que tu vas aller. Il y a rien de pire que d'avoir envie de ça quand tu cours. Moi, je vais placer ma blague parce que tu m'as un petit peu interrompu. Ben moi, là, je l'aurais dit, moi aussi, là, ça fait 20 ans que... Pourquoi est-ce que la cour que tu as choisie, c'est la selle qui m'appartient? Non, je voulais vraiment la placer. En tout cas, c'est ces lilas étaient vraiment super. Oui. Ah non, un lilas, c'est ben trop gros, là, ça marche pas. Là. Il aurait fallu que je prenne comme une dahlia ou je sais pas. On se perd. On se perd un peu. On se perd. Mais bref. À la place, le gars, il aurait dû dire « Non, c'est pas moi qui est allé faire caca là parce que je cours un marathon. C'est mon raton l'avant. » OK. Ça, j'aurais pas dû la faire. Non, ça, non. Le mois de juillet est le mois national de la crème glacée. Il reste encore quelques jours pour aller se procurer de la crème glacée. Le février, c'est le mois international des Africains, des Noirs. Oui. J'irais pas me procurer un noir. Deux grosses boules noires, s'il te plaît. Là, c'est raciste, rendu là. Et c'est pas une joke raciste, ça. C'est que l'esclavagisme est fini. Tu peux plus t'en procurer, là. Wow. Comment? C'est vraiment drôle, là. Seulement deux... Je note pas. Non, note rien de cette... Il faut libérer la crème glacée. Libérer la crème glacée, comme disait Luc Delarache. Seulement 2% des humains ont les yeux verts naturellement. Y a-t-il quelque chose de plus cute que les yeux verts? Avec des cheveux noirs. Avec des petites dimples et les joues. Donc 2%. À qui tu penses? Je sais pas. 2%. C'est les yeux verts, là, moi, je... Pour vrai? Ouais. Pense à E.T. Sexy boy! Tu as les yeux verts, toi? Je sais pas, non, pas à toi. Toi, t'as-tu les yeux verts? Non, brun. La couleur plate. Il y a une femme en Angleterre... Alors ça, c'est bizarre. Il y a une femme en Angleterre qui tombe dans le coma à chaque fois qu'elle dit « je t'aime ». OK. Son cerveau, elle aime pas ça. Ça déclenche quelque chose. « Je t'aime », ça déclenche l'émotion de l'amour. Tombe dans les pommes. C'est pas le fun. Certains vers de terre vont se manger eux-mêmes s'ils trouvent pas de nourriture. Ah, ils sont bright. Ben, mais ça. Ben, certains. Comme un light bright. Il paraît que ça goûte le poulet. C'est ça qui se disent entre eux. Il me semble que je goûte le poulet. Je prends le même petit peu de sauce brune avec ça. Selon... Merci pour l'imitation, Justine. Bruiteuse. Comment? Bruiteuse. Bruiteuse et non pas brouteuse. Non. Quoique. Selon la Bible, Dieu est responsable pour avoir tué, d'avoir tué 25 millions de personnes. J'espère qu'il est assuré. Une personne adulte va respirer 23 000 fois par jour en moyenne, approximativement. 23 000 fois par jour. J'espère qu'il est assuré de lui avec. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, ça use. Je sais pas, laisse faire. À un moment donné, ça use. Ah, mais imagine-toi. Comme là, on entend souvent parler, tu sais, il est mort d'avoir trop respiré. Ben oui, son système était usé. 23 000 fois de l'air qui rentre puis qui sort de tes poumons. Ouais. Et Dieu sait que ces temps-ci, je tousse beaucoup. Fait que non seulement l'air rentre, mais en plus, ça fait des. Tu sais, c'est un moment donné, tu peux, comme, je sais pas, devenir usé. Pertinent. Les ongles vont pousser. C'est vraiment pertinent ce qu'il a dit, je trouve. Les ongles des doigts vont pousser 4 fois plus vite que ceux des orteils. Ah ben moi, c'est l'inverse. Je voulais pas vraiment nécessairement savoir ça, mais... Est-ce que tu te ronges les ongles d'orteils? Je te ronge les ongles, ça fait du bon sens, ça. Ils ont jamais poussé, ça fait 10 ans qu'ils ont pas poussé. Ils sont tout croches, par exemple. Tout rugueux. C'est bon. Et, il nous en reste deux, les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les hommes. 2 fois plus souvent les femmes que les hommes. Ça, c'est tout le matin que ça se passe qu'on mène de la mascara. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et finalement, non, je ne vais pas finir sur du déprimant de même, mais c'est mon dernier, j'en ai pas d'autres comme backup. On en trouvera un autre, là. OK, tu vas m'en inventer un après. Un fait. On va t'inventer un fait. Un futur rapper ou un rappeur en devenir, aspiring rapper, a tweeté le message suivant. Drunk, going 120, drifting corners, fuck it, YOLO. Donc, je suis sous, je roule à 120 puis je drift dans les coins. Fuck it, YOLO. Pas besoin de traduire ça. Fourla, YOLO. et puis, évidemment, il est foncé dans un mur. Il a tué tous les passagers de la voiture. Sauf lui. Je pense lui aussi. Ça dit killing all passengers. J'avoue que ça pourrait vouloir dire qu'il a tué seulement les passagers. Mais bref. Il aurait dû y aller YOLO mollo. Oh, les call me mail. En tout cas, lui, il est vraiment tweet. C'est un Twitter. Ah, Twitter! Wiki! Ouais, toi, on a fini ça sur une note humoristique. Quand même, rire de voiture remplie de gens qui sont morts. Oh mon Dieu, j'ai une joke, mais qui fait nulle part. Vas-y, peux-tu la dire? Donc, on revient plutôt dans la chronique ou juste ça fait pas partout? Écoute, ça fait tellement pas que je pourrais quasiment la dire, là. Vas-y. En parlant, mettons, de la sagouine, on va dire une joke, une craque sur la sagouine, on pourrait dire que c'est pas mal humoristique. Morue ou stique? Rustique. Oh, morue. Morue. Tout de suite, tu sais. T'as pas besoin de contexte, c'est juste drôle. Il y a trop de jokes. Wow. T'as vraiment baissé ce son, hein? C'est pour mettre le feature sur ta face. La caméra a fait du. Me voyez-vous? Caméra 3. Oh oui! Des Kleenex dans les narines. D'accord. Et coupé. Ouais. On retourne en musique. S'il vous plaît, coupez. S'il vous plaît, coupez au montage tout ce bloc-là. Franchement. Bouton magique. Oui, bouton magique ici. Il n'y a plus personne qui se rappelle de rien. Non, c'était il y a longtemps. Bouton magique. Ah, non. Ça coupe le fond. Il fait plein de choses, ce bouton magique-là. Il fait tout ce que tu veux. Ouais. Il a explosé à la Maison-Blanche, un moment donné. On va faire un film. Non, je ne le souhaite pas, là. Non. C'est juste que tu sais, ça peut être un effet aléatoire, tu sais, comme dans PowerPoint quand tu fais effet aléatoire. Excuse-moi! Avec une étoile, des rideaux. Oh mon Dieu, je pourrais tellement faire ça comme un mini vidéo où ce que j'aurais fait des effets aléatoires, là, ils changent la slide, puis là tu vois à l'autre bout du monde quelque chose qui explose. Ok, laisse faire. Drôle. Ben c'est un bon gag à faire. Ouais. On est rendu à la position numéro 4, n'est-ce pas, Jeep? Oui. J'ai commencé la semaine passée. Oui, Matt. Non, c'est You. C'est You. Ah. Tout le monde m'appellerait Matt, mais c'est un petit peu plate. On est comme, on est bien au-delà de ça. Avec ou sans ton H? Trop mainstream. Sans le H, donc c'est yeux. Yeux. Yeux. Yeux. C'est comme un hipster yo. Fait que bref, sur ça, on va aller à la quatrième position. Ça monte de deux places la question avec la pointe de l'iceberg. Quand on a fait femme, c'est fou, c'est l'assemblage requis à la plage. Il reste un record. Avec Jeep et yeux. Et Juice. Teen. Just teen. Teen. Comme sur un triangle. Ting. Ting. Derrière les routes que l'on emprunte, nos amours échoués, nos passions défuntes, derrière les histoires que l'on raconte, et toutes les autres qui nous font. que nous sommes. Vous me voyez que le minimum. Et petit singe robot avec le bout de métal bizarre dans le milieu, ça monte d'une place en deuxième franco. Bon, excuse-moi Mathieu, c'est moi qui toussais. C'est ça, c'est rock classique. Oui. On a déjà fait cette blague là-bas. Oui, mais elle était bonne. Oui. Ben, quand elle est bonne, il faut l'utiliser sérieux, à fond. Mais sérieux, il faudrait vraiment que quelqu'un fasse une chronique ou une émission qui s'appelle rock classique. Peut-être. Peut-être un petit peu insultant, par exemple. Peut-être un petit peu. Mais c'est pas méchant, c'est juste un jeu de mots. Ben oui. J'ai un mot, bon. C'est pas méchant. Non, mais si on faisait un sketch, c'est peut-être un petit peu méchant. Donc, on continue l'émission. On continue l'émission parce qu'on a de la pertinence. Et c'est Jean-Philippe qui nous amène, comme toujours, une touche de pertinence. Donc, oui, voici, c'est ça, oui. Voici son foutu palmarès. Je la sais, c'est fini, je regarde, fuck it, YOLO, man. Ouais, fuck it, YOLO. Donc, Jean-Philippe, tu nous présentes la chronique de son foutu palmarès. Oui, écoute, aujourd'hui, spécial, la semaine passée, il a fait pas mal chaud, hein, temps du barbecue, oui. Les gens font du barbecue, mais on n'a pas tous la chance d'avoir un barbecue c'est à vrai. La maison. Non. Donc, c'est le top 10 des barbecues un peu random qu'on peut se faire à la maison. Wow, mon faux grippin n'est pas là-dedans. Non, mais il faut que tu sois, ça prend une touche de redneck, puis une touche de courage, puis ça va bien aller. Comment est-ce qu'on appelle ça des rednecks au Québec, mettons? Un rouge-gorge. Ah, oh, c'était si spontané. Oh. Celle-là, oh oui, oui, oui. Redneck rouge-gorge. Oui. Parfait. Ben là, souviens-toi-en, parce que si je l'écris là... Je me souviens. Hein? Hein? Tu sais maintenant c'est comment écrire quelque chose pendant qu'on parle, hein? Oui, oui. Hein? Fait que redneck rouge-gorge. Rouge. C'est vraiment long. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait pas ça. Mathieu, gorge. Je sens un peu d'estrogène. Il se passe quelque chose. De l'œuf estrogène. On vient de battre les œufs pendant qu'ils sont plats. L'œuf estrogène. Ouais. Chaud. C'est Stéphanie Paradis qui s'en vient dans quelques minutes. Donc, oui. On commence le palmarès là, tout de suite avec un barbecue hétéroclite des plus... Donc, voilà, des fois, tu fais des constructions à la maison, tu as une belle grosse brouette pleine de ciment, de vieux ciment puis de vieilles affaires dedans. Okay. Ça prend une brouette en métal, évidemment. Une brouette, pas une boîte en métal. Non, une brouette. Okay. Une brouette remplie de boîtes? T'as vide, t'as rincé un peu. T'as lave. T'achètes du charbon. Mmh. Tu mets du charbon au fond, une petite grille par-dessus, tu viens de te faire un barbecue au charbon. C'est des produits du terroir. Oui. Avec la terre. À oui, la terre. Donc ça peut mélanger plein de bonnes saveurs de choses qui n'auraient pas dû se retrouver dans ton manger. Wesh. Voilà. Ou j'irai encore bouh du devache. Oui. je passe des affaires que tu mets dans la brouette. Ah, rapidement, oui. Deuxième, c'est, mettons, encore une fois au charbon, tu te fais un petit spot, là, tu mets ton charbon à terre, rien de bien compliqué. Tu t'en vas faire ton épicerie, tu vas t'acheter tes steaks, tu prends le panier, tu pars avec, tu le fais sur le bord, tu viens de te faire une grille. Comme au câble de Madeleine. Pareil. Partout à côté du Walmart. Oh mon Dieu, belle. C'est ça. Belle place. Ouais. Donc voilà, ça donne ça. Après ça, des fois, tu sais, t'es en appart, t'as pas de balcon, ouais. Tu peux rien faire. Bon là, le charbon, c'est prohibé. Prohibé, c'est interdit pour les feux peut-être. Hein, mais oui, c'est ça, à l'intérieur, oui. Ça peut être une mauvaise idée. Donc, tout ce que tu as à faire, tu sais, tu as un poêle à la maison, tu rentres ton fer à repasser à l'envers dans les grillages du poêle pour qu'il tienne vers le haut, la plaque chauffante vers le haut. Ça a l'air dangereux. Puis là, tu fais cuire tes petits bouts de saucisse. Ah non. Faut le voir pour le croire. C'est bizarre. Oui. Puis là, ce qui est cool, c'est que si, mettons, ça colle un peu, tu trouves que tes aliments sont secs, tu shottes un petit peu de vapeur. De ton fer à repasser. Tu fais des geysers de lui, parce que dans l'image, il cuise des salamis ou je sais pas quoi. Ouais, des petits bouts de saucisson. Des geysers de saucisson, man. Et ta saucisse n'est pas du tout fripée en plus, tout va bien. Oh, oui, c'est ça. C'est, tu peux mettre ta saucisse de soirée. Mais ta chemise, elle va sentir quelque chose d'autre. Je me suis mis sur mon 30 saucisses. Ah! 30 saucisses! T'en as pas? Oui, 36. Je me suis mis sur mon 36. Il n'y a plus de place à la feuille, on a tellement de titres aujourd'hui. Ben oui, mais j'écris trop gros avec mon gros fluo. Après ça, pour les plus wild, là, ça, c'est vraiment à ne pas faire. Mais okay. Tu sais, si t'es wild, pourquoi pas? Pendant qu'il y a un volcan en éruption, bon, tu prends une grande perche. Ça arrive souvent, ça, là, hein? Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, on l'a vu ici, au Mont... À Lac Mégantic. Oh non, non. OK. Ben, Frodon pis Sam, là, quand ils chillaient, là, en bas de du Mordor, là, la petite montagne, où ils ont pitché une bague, là, l'Alliance, là, ils étaient chummés, eux autres, là, ils s'en allaient se marier, en tout cas. Oui. Sam, il était pas d'accord. Ils ont fait du barbecue. Ben, c'est dans ça. Dans la lave. Même principe. En attendant. Même principe. Wow. Tu mets tout ça dans une grille avec une longue perche, tu mets ça au-dessus de la lave. Ben, ben relax, tu sais, pas de stress. No worries. Ouais. Ouais. Puis voilà. Cool. Tu fais cuire ça. Oh. Après ça, ça, c'est pour ceux qui manquent d'espace. Tu sais, les fameux petits balcons qui ont juste un pied, là, qui servent à rien, qui sont juste décoratifs. D'apparence. Oui. Donc, tu te prends une canette de n'importe quoi, de ta boisson favorite que tu as fini. Okay. Tu l'ouvres un peu. Tu mets quelque chose là, pour chauffer dedans. Là, puis, une chandelle. Ouais. Un briquet. Tu fais cuire la moitié d'une saucisse à hot dog. C'est cheap. Wow. Moi, je trouve ça fantastique. Ah oui? Oh oui. Si tu ouvrais plusieurs cannes, tu les sciais, tu les collais ensemble. Peut-être. Ouais. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tu peux les souder, peut-être. Sauf qu'après ça, essaie pas de retrouver ton 5 cents. Non. Ça, c'est fini. Faut que tu gardes la petite pinouche. Ça, c'est important. Oui, d'ailleurs, si y a des gens qui écoutent, moi, je ramasse les pinouches. Ah, OK. Appelez-nous au 819-376-5183 en direct le jeudi. Oui, c'est ça. Puis vous pouvez venir les apporter au bureau. Moi, il n'y a aucun problème. Je ramasse ça. Je donne ça à quelqu'un qui donne ça à quelqu'un qui donne ça à quelqu'un qui donne ça à quelqu'un. Puis on sait pas quand est-ce que ça finit. OK. C'est le cercle de la vie. Oui. Ben, je trouve ça vraiment malade. Là. Puis cette chaîne-là, elle grossit. Puis c'est magnifique. Passe au bureau, Pavillon Honoré Beauchemin, 5 jours semaine. Voilà. C'est pour rénover les ponts à Montréal. C'est à ça que ça sert. Ça s'appelle le nouveau pavillon pour les étudiants. On est rendu au 6e, je pense bien. Tu sais, ceux qui forgent des forgerons. Oui, comme Bouvard les Forges. Oui, mettons, tu sais, souvent, quand le métal est en fusion, ils versent des gros, gros barils là, de métal en fusion. Ben, c'est ça. Tu mets juste une petite grille, ben, tu sais, rien de compliqué. Là. Non, ben non. Tu mets une grille par-dessus, c'est chaud, c'est en fusion. Tu mets ton chemin qui travaille là, ben ouais. Ben ouais. Genre quelque chose de simple, tu sais, il faut pas se compliquer là. C'est évident. Voilà. Next, lui, c'est le plus intéressant selon moi. Tu prends un devant d'auto, un vieux devant d'auto que t'as plus besoin. Un vieux devant, oui. Ben vraiment, tu sais, tu coupes là, juste avant le volant, okay. Et puis tu t'installes un petit barbecue à l'intérieur. Tu sais, tu ouvres le capot. Je peux te montrer la photo, peut-être que tu... Mais c'est cute, ça ressemble à la photo gars, du... Là, ouais, c'est ça. Tu as envie de montrer ça à tes amis, pour faire comme, hey, t'as-tu vu mon petit barbecue? Ouais. Ça me fait penser à la voiture du gars tantôt qui a eu la même moto pendant 82 ans. Hein, ça ressemble à ça. Je suis sûr que c'est lui. C'est peut-être lui. Il a recyclé son auto. Après ça, là, c'est un peu plus gros, là. C'est quoi? C'est un moteur? Un moteur de tank. Okay. Exactement. À l'intérieur, sur le dessus, ils ont mis une grille. Mais écoute, c'est gros, là. C'est très gros. Oh mon Dieu. Vraiment gros. C'est grosse que ma Tercel. Oh. Ah mon Dieu, elle est plus grosse que ma Tercel. Mais ça, tu sais qu'il y a une Tercel à côté, je pense. Ça, c'est vraiment très mal. Ouais. C'est gros comme une auto, mais c'est juste, c'est tout. C'est viril. Quand tu fais servir ton hot dog, tu dis thank you very much. C'est plus le thank. Sir. Ah oui, t'as pas t'appelles le gars. Sir. Thank you. Oui, je la note. Non, c'est pas très. Ben oui, moi, je la trouve. C'est pas facile, ça. Ben, bon. Tank big, man. Tank big. Donc, il y a ça. Après ça, pour ceux qui ont des vieux ordi, tu sais, t'as une vieille tour, ouais. Tu sais pas quoi faire avec le case, ben, écoute, tu le retournes de bord. OK. Donc là, tu mets ton charbon à l'intérieur, puis tu te mets une petite grille par-dessus. Voilà, ça te fait une petite place pour faire ça. T'overclock ta RAM. Ouais. Ça pogne en feu. Mm-hmm. Non? Puis, oui. Tu peux, c'est une petite joke de geek, ça. Moi, un petit peu trop, hein. Ouais, mais j'ai à comprendre. Oh, comment ça a duré longtemps? C'est parfait. Après ça, avec une vieille chaise en métal, c'est la dernière. Une vieille chaise en métal, ben c'est ça, là, tu mets ton charbon en dessous, puis tu fais cuire ta saucisse. Ça, j'aime ça. Sur le dessus, tu sais, où tu t'assois d'habitude. Fait que là, ça se peut qu'il y ait de la sueur de fesses. Ah! Ça va ouais. À peine. Ouais, ça déjà... C'est, comme on dirait, du charbon ardent. Hein? Oui! Le chardon, ouais. Charbon. Charbon. C'est charmant. Oui, ça prend de la bonne eau. Oh! Je l'ai même pas fait! En plus, charbon, charbonneau, c'est pareil! Ouais, on devrait faire une annonce là-dessus. Oui! Fait que voilà, ça sera le lien va être sur assemblagerequis.com. Si vous voulez voir les images, c'est je décris bien, mais il n'y a rien comme une image. Tu décris comme un génie. Tu la mettras sur Facebook, pis tout. Ben, c'est ça, je m'en vais faire ça là. Merveilleux. Parle-moi de ça. Ben, rien que de même, son foutu palmarès, on fait ça perpendiculairement. Perpétuellement. À vitam aeternam. Post-daté. Carpe diem. C'est ça. Pour l'instant, c'est la fin de la troisième heure d'Assemblage Vocal à la plage. On se retrouve dans quelques minutes. Stéphanie Paradis va nous rejoindre pour animer pour le reste de l'émission. Jean, peut-être pas, oui. Ça ressemble à ça. Justine va rester un petit peu. Je pense qu'elle va souper bientôt. Hein? Allez, baboucher. Alibaba? Allez, baboucher. Allez, babouchka? Allez, babouchka. Allez, babouchka. Alors, arrêtez de me faire noter des jokes. On a trop de fun. Recto verso, man. Recto verso. Je comprends même plus rien. Comme moi, quand j'écris, je comprends jamais mes titres. Aussi, la chronique Saint-Smith, ça devrait répondre là. Et David Ferron devrait être de retour pour sa chronique Le Manger de la semaine. Yes! Restez là. Les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Bon, donc c'est la quatrième et dernière heure d'Assemblage Vocal à la plage pour la semaine du 22 juillet 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Yeah! Oh, le retour. Le trio est de retour. Parce que à chaque fois qu'il faut que je présente Mathieu, je suis nerveux. C'est rare, c'est moi qui le présente. T'sais. C'est pas un nom facile à dire. Mais c'est ça, faut toujours tourner dans le même ordre. Moi aussi, là, quand ça arrive, Jean-Philippe Charbonneau, c'est long. Ben oui. Faut que je prenne mon souffle plus que Mathieu Plante. Puis là, des fois, je dénature. Oui, elle, c'est Mathieu Plante. Ah oh, non, c'est vrai, c'est un gars. On va être avec Justine Renaud pour encore un petit bout. Oui, l'ornement. l'ornement, la décoration, les petits jujubes sur le, dans la main. Des jujubes dans la main. Les petits sprinkles sur le gâteau, la cerise à la chemise, attends un peu, c'est le Sunday. Mm-hmm. Chemise dimanche. La paille dans boisson. C'est ça. La main dans le... Mais des pantalons? Pantalon. La main dans le pantalon. Tout est gâterie. Je l'aime celui-là, c'est correct ça. Je vais le porter ça. Avant de passer à sexe, mais ça devrait répondre là, on écoute la position numéro 3 qu'on a sauté tantôt par erreur, Jean-Philippe, n'est-ce pas? Ben oui, bravo. Funken? Ben oui, bravo, Funken. On m'appelle Funken. Ouais. C'est comme Ken Funky. Ben en fait, c'est parce que je te criais. T'es mis à crier! Numéro 3! C'est le nom de la pièce. Ouais. Je pensais que t'embarquerais. J'ai failli, mais je me retiens. C'est comme la corde à danser, ça. Ouais. Bravo Funken, tu t'es mise à crier. Position numéro 3, ça monte d'une place du côté francophone, bien sûr. Et maintenant, toujours avec Jean-Philippe, Justine, Stéphanie et Mathieu Plante. Mathieu Plante. Oh, c'est chic ça, mais c'est pas l'intro que je cherche. L'intro que je cherche est celle-ci. Voici Sex, mais ça devrait répondre là. Mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on se procure des choses et qu'on dépense de l'argent fictive ou du crédit qu'on appelle des fois dans le domaine. Certains disent du crédit. Commençons avec un gadget parfait pour ceux qui ont un bureau ou un cubicule, mais qui n'ont pas de porte. Tu sais, genre, t'as pas un bureau physiquement, une pièce à toi, t'as juste un bureau, un cubicule, genre une table si on veut. Ça s'appelle le Cube Guard. Une façon de vraiment déranger, en fait, vos collègues de travail. Tu sais, des fois, quand tu travailles, tout le monde va venir te parler, etc. T'sais. T'as-tu vu telle vidéo sur YouTube, vidéo de chat? C'est comme un genre de tape de police que t'insères, que tu colles de deux côtés et que le truc vient s'insérer pour bloquer l'accès. Comme ça, personne va te déranger. Ben, je regarde ça, puis je pense que si tu sors ça, que tu mets ça, tu vas faire tellement jaser que tu vas te faire déranger deux fois plus. Exactement. Je pense que tu vas passer pour le pire rejet loser de la place. Surtout que c'est avec un petit bonhomme sourire comme wouhou! Ben, t'as différents modèles. Tu peux avoir plein de différents designs, sauf apparemment le truc de tape de police, là, parce qu'il faudrait pas imiter une police quand même. Là. Ben non, c'est vrai, hey, ça se vend pas chez Dollarama. Ouais. Pour l'Halloween. Ouais. Donc c'est le Cube Guard. Vous serez plus jamais dérangé, dans ben le sens de même pas à pause. Jamais personne ne va vous faire. Ouais. Ensuite, pour charger, évidemment, on a tous au moins 5 appareils Apple. iPhone, iPad, iPad mini, iPod Touch, iPod classique, Justine, Shuffle. Justine, t'as tous les produits Apple, la gamme au complet? Hey, Granny Smith, surtout. La pomme Granny Smith. Ah. Donc, si vous en avez minimum 5, Griffin vous offre le PowerDock 5. Mon Ça coûte $100. Ça a été présenté au CES, le Consumer Electronics Show, plutôt cette année. Ça contient 5 ports USB, des séparateurs indépendants pour charger facilement 5 appareils en même temps. Chaque port USB fournit 10 watts de puissance d'électricité, ce qui permet la vitesse maximale de chargement sur les plus récents iPads. On dit que c'est la meilleure solution pour les petits bureaux, par exemple. Mettons un bureau comme, mettons, de 5-6 employés, mettons on appelle ça le GME. Donc, chacun a son iPhone, on pourra les charger en même temps sur le même bureau. C'est voilà. Cool. C'est cool. Après, je vais te demander, hey, t'as-tu ton chargeur d'iPhone? Ou juste une famille, tout le monde a son téléphone, son iPod, tu mets ça tout au même endroit. Non, je trouve ça chouette. Tu mets ça dans le même endroit au salon. Le matin, il n'y a personne qui se réveille parce que c'est le réveil matin à tout le monde. Ou le voleur arrive et fait comme jackpot, les 5 appareils qui sont là. Même pas besoin d'y chercher. En plus, ils sont chargés. Ah, yeah, tout le monde gagne. Moi, ce que j'aime bien de l'image dans l'annonce qui nous présente Mathieu, c'est que le gars a vraiment, ou la fille, a vraiment la gamme complète. Ouais. Et tous les iPods possibles et les tablettes. Ouais. Et le mini et le normal. Au cas où. Ah, tu sais. Deux tablettes, non? Pourquoi pas? Why not? $100 sur le site de Griffin. Non, mais tu dis ça. Moi, mon père et sa blonde, ils ont chacun leur tablette. Ils ont chacun leur iPod. Il y a un iPhone. Ouais, et voilà, il a rempli son petit... C'est pas fou, le 5. C'est vrai, c'est vraiment... C'est pas pour une personne. Tu fais sécher ta vaisselle rendue là, parce que c'est des séparateurs. Ou bien, mais... tu peux les faire sécher tout simplement. Tes tablettes, quand t'es échappes, ben dans l'eau, mais t'es fait sécher. Sinon, ça les répare aussi. Mais, c'est pas fou ce que Justine dit. Prends un rack à la vaisselle et mets tes tablette dedans, puis tu branches tes fils, ça a l'air vraiment ghetto, mais... Ensuite, on pile tout le temps sur les blocs Lego. C'est classique, hein? C'est plate de piler sur un bloc Lego. C'est des pantoufles en forme de gros blocs Lego moelleux. Donc, à place de piler dessus, tu piles dedans. Et voilà, les Brick Slippers, c'est sur le site de ThinkGeek. Donc, si vous voulez vous procurer plusieurs affaires, le shipping sur ThinkGeek est vraiment très cher. Donc, achetez plusieurs pantoufles pour toute la famille. Et vous allez être heureux avec ça. Si j'étais pas claustrophobe des pieds, je m'en achèterais. C'est vrai. Même que le dessous des pantoufles ressemble à des mini-briques Lego, c'est super cute. $25 américains pour une seule grandeur, c'est des one size. Je pensais l'être dit pour une seule pantoufle. Non. Pour les deux pantoufles, c'est disponible en rouge et en bleu. Mais ça, malheureusement, seulement une seule grandeur. Non. Que vous voulez. Ensuite, tiens, faire son lit. On déteste faire son lit, c'est dégueulasse. Tout le temps, tout croche. C'est croche. Dégueulasse. Non, mais... Riez de moi. Non, mais quand je choisis mes mots. Mais regardez la vidéo, là, qui est vraiment comme une infopub. C'est vraiment ça. Quand tu te lèves le matin, souvent ton drap va être à tes pieds et la couverte, la douillette va être à terre. Ben oui. Tu sais, c'est classique, en tout cas chez nous. C'est deux gars qui ont parti un projet, en fait, de Snap Together Duvet. C'est le smart bedding qu'on appelle, donc les couvertures, la douillette et tout ça se snap ensemble avec des vrais snaps. Tu sais, donc, tu sais, au pire, tout va être à terre, mais ça va être un tout ou rien. Tu vas pouvoir juste refaire ton lit en tirant sur la couverte. Dieu. Mais pour vrai, c'est le fun, là. M'en fous. C'est sur Kickstarter, donc évidemment, il faut mettre de l'argent pour espérer qu'un jour, ça soit fabriqué. Mais j'aime l'idée. Wow! C'est cool. Ouais, je sais pas. Non, je suis pas convaincu. Bon. Est-ce que tu fais ton lit le matin? Oui. Ah. Ben voilà, t'es pas désespéré, là. T'apprécies ce moment-là, là. Mais... moi, j'aime ça des fois, tu sais, t'as trop chaud. Mais là, tu pourras pas te débarrasser de ta doudou, là. Ben, des snaps, man. Des snaps, man. Ben, oui, mais des snaps, là, ça tourne à ton problème, là. À 2h du matin, c'est poche de snapper, là. Ouais. Tu sais, juste le rideau, des fois, je le laisse un petit peu entrouvert en me couchant. Puis là, le matin, t'es comme, ah, voyons, maudit que c'est fatigant, le soleil. Puis là, ben, tu te lèves pas plus. Ben, hein? Non. Je me reste couché. Est-ce que tu penses qu'on peut s'insérer entre les deux couches? Tu sais, mettons, entre le drap, puis le. Tu fais peux... comme un sleeping bag? Ouais. Si ton drap est consentant, tu peux t'insérer. Consentant. Pour ça, il est majeur, ton drap? C'est ça. Ensuite, tiens, pour laver ses souliers, tu sais, je t'ai vu l'autre fois, Jean-Philippe, tu me disais mes souliers sont sales, j'arrive d'un festival, je sais pas quoi, qu'il y avait de la gadoue partout, de la boîte. Bon. Donc, les Jason Mark Quick Wipes, c'est des serviettes humides. Ben pour les souliers, à la place d'être pour le iPhone ou pour tes fesses, dépendant, ça existe. Donc, c'est des boîtes de 12, des petites serviettes emballées individuellement. Donc, quand on a besoin, dans un cas d'urgence, de lavage de souliers. Par contre, on ne peut pas l'utiliser sur du suède. Fait que faites attention, là. C'est des Jason Mark Quick Wipes. Je te gâche que ça a été inventé par Jason Mark. Ça peut servir aussi. Ouais, excuse, vas-y. Mais je me demandais, les petites lingettes Saint-Hubert, ça fait du pareil? Oui, exactement. Moi, tu peux t'essuyer les mains quand tu manges un rack de ribs. Est-ce que tu peux manger des ribs, les frotter sur des souliers, après ça... Laver tout. Tu laves la waitress aussi. T'as moins plus. Ça en a un peu, ce bord de la bouche. Tu es avec les ribs, toi. La petite sauce qui... pour les femmes, maintenant, parlant de petites sauces ou autres, déplacer comme blague, c'est un siège de vélo vibrateur pour les femmes. Ouais, tu aurais pu placer ça dans Kinky. Oui! C'est le Happy Ride Vibrating Bike Seat. Hein? En passant, le lien mène vers un site adulte. Faites attention. Donc, c'est un cover pour le siège d'un vélo et qui vibre contre tes parties privées, évidemment, pendant que tu fais du vélo, ce qui rend ton exercice plus amusant et peut-être que ça va te donner envie de faire plus d'exercice. Ben, je sais pas, là, je trouve ça un peu... Ben, je sais pas si tu vois ta voisine se dandiner en faisant du vélo, là, pose-toi des questions. Là, maintenant, ce que tu peux faire, c'est que dès que tu vois un vélo, tu penses qu'il y a ce vélo-là. Oui! Ouais. Oh, mon Dieu! Là, ça, c'est drôle, ça. Oh, wow! Ouais. Là, je sais pas, c'est dangereux, hein, à un moment donné, c'est que tu te contractes, là, t'es comme... Oui, plus tu contractes sur tes freins, ça te fait un accident. Puis là, t'es comme, non, tu veux avancer. Ça sonnait, dring, dring, dring. En tout cas, t'es sûr de perdre des calories en ta Vous connaissez peut-être la NFC, la Near Field Communication. Les téléphones Android ont souvent ça, mais pas les iPhones. C'est l'affaire que tu peux toucher deux appareils ensemble et transférer des données, tu sais. Avec les Android, tu peux transférer des fichiers en tapant les deux téléphones ensemble. L'iPhone, là, avec Bump. Oui, mais ça, c'est pas du NFC, c'est une application qui transmet par le réseau. Ah, voilà. OK, moi, je comprends pas la différence, mais c'est pas grave. Bon. C'est un petit peu, j'avoue que c'est un petit peu difficile à comprendre, là, mais c'est vraiment de la communication par rapprochement et non pas par Wi-Fi ou par le réseau cellulaire. Bon, donc la Near Field Communication, maintenant dans une bague. Donc, on dit que le NFC, c'est plus sécuritaire que le RFID, qui est une autre sorte de technologie, et beaucoup plus facile à utiliser que le Bluetooth. Donc, John McClear a inventé une bague NFC. C'est une bague comme un jonc que tu mets sur ton doigt, et il y a deux couches dedans, deux inlays, qu'on appelle, c'est des couches qu'on peut ajouter à la bague. Et si on vire, dans le fond, c'est que la bague a deux couches et d'un côté, c'est les affaires personnelles, par exemple pour ton propre téléphone cellulaire. Donc, ton téléphone va pouvoir se débarrer quand tu l'approches de ta main. Quand tu prends dans ta main, ton téléphone se débarre. Okay? Et l'autre côté du jonc, la bague, est pour les autres. Donc, tu vas pouvoir bumper ton doigt, ton jonc, contre, mettons, je sais pas, le guichet automatique ou au magasin quand tu achètes quelque chose. Le NFC, pareil comme ton téléphone, mais dans ta bague. Donc, sans sortir ton téléphone, tu passes ta bague sur le scanner et ça te fait payer, mettons, sur ta carte de crédit. C'est donc bien trippant. Maison. Ça s'appelle la NFC Ring. Vous pourriez aussi l'utiliser avec la portion intérieure pour débarrer votre poignée de porte. À la maison, tu aurais un système pour débarrer ta porte avec ta bague. C'est cool. Ça existe. Faut pas que tu perdes ta bague. Hein? C'est ça, et pas te faire voler. Mais faut pas que tu perdes tes clés non plus, tant qu'à ça. Mais c'est rare. Je suis désolée, mais moi, une bague, j'ai pas mal plus de chances de perdre ça que mes clés. Mais un jonc, souvent, c'est fait plus serré qu'une bague parce que tu l'enlèves pas vraiment. Pas souvent. Peut-être quand tu prends ta douche. Je sais pas. Moi, tu peux aller dans l'eau, je savais. Ouais. Mm-hmm. Mais l'idée est bonne. Ça pourrait être un collier. L'idée ça pourrait est excellente. Être, vraiment. Ça pourrait être boucles d'oreilles, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça une dent. Tu mords dans ton téléphone. L'extérieur et l'intérieur. Faut que ton téléphone dans ta bouche. T'ouvres ta fucking porte. On se transfère-tu des données? C'est super génial. Embrasse-moi, faut que je te transfère un fichier. Oh mon Dieu, je vais pas penser à ça. Ouais, ou l'autre, embrasse-moi l'autre. Ouais, okay. Ceux qui veulent faire réchauffer leur repas au bureau, par exemple, ils ont un micro-ondes des années 70, comme nous ici, assez fou, qui marche encore. Mais pas en même temps que le grille-pain. Non, parce qu'on fait sauter une fusible dans ce temps-là. Un fusible, excuse-moi. Et quand même, moi qui a chialé contre les gens qui disaient une pour des mots qui étaient pas rapport tantôt. Oups. Je t'ai pogné la main dans le sac. Ah, yes. Okay. Donc, OK, dans ce sac-là. Je l'ai perdu. Donc, c'est un sac à lunch, littéralement, qui va faire un peu comme une mijoteuse, mijoter votre nourriture dans le sac. C'est vraiment, vraiment très, très cool. C'est un genre de slow cooker, comme on l'a dit, dans une boîte à lunch qui va graduellement réchauffer votre nourriture jusqu'à la température sécuritaire de 200 degrés Fahrenheit. Fahrenheit. Donc, tu places la nourriture dans le contenant qui est scellé. Tu le mets à l'intérieur donc de ce petit truc-là, Hot Logic Oven, qu'on appelle, et tu le branches à ton bureau par USB. Et quand l'heure du dîner arrive, t'as du porc, du bœuf mijoté. C'est par USB! C'est bon. C'est malade. C'est une boîte à lunch? Oui! Tu peux-tu amener ça, tu peux amener ça au travail? Oui! N'oubliez pas votre yogourt. Mais ailleurs que dans le sac. Exactement. Donc, c'est une très bonne remarque. Mais t'imagines comment ça doit sentir bon dans le bureau? Hot Pocket! C'est le Hot Logic Mini Oven qui se vend pour 50$ seulement en bleu ou en noir. C'est fantastique. Ensuite, si vous avez un aquarium à la maison, mais que vous avez tendance à tuer vos poissons sans faire exprès, ou peut-être votre chat tue vos poissons, il y a des petits poissons robotisés. C'est les Aquabots, des petits robots poissons qui vont bouger de façon réaliste, même si on voit à l'intérieur du poisson, c'est un petit peu moins réaliste. Ça s'allume automatiquement quand ils viennent en contact avec l'eau. Oh. Et ils vont nager pendant seulement 5 minutes pour conserver les piles. Mais tu fais quoi pour qu'ils repartent à nager? Tu leur mets de l'eau, tu leur mets dedans, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aimerais ça parce que, un, mes poissons meurent tout le temps. Je sais pas, ils attrapent des épidémies de je sais pas trop quoi, ils sont tout seuls. Oh. Et y a-tu quelque chose de plus désagréable que de laver un aquarium, honnêtement? Là. Si t'as pas le petit poisson qui lave seul. Ben non, mais c'est moi, il est mort aussi. Ah non! Ça me prendrait un petit robot aussi qui lave les vies. Il t'en faut des choses. Donc, c'est disponible soit en requin ou en poisson clown. Très joli. En couleur translucide, donc on voit au travers le bleu, rouge, jaune, etc. Et ça coûte seulement $12 américains chaque. C'est sur le site de Red 5, le lien sur assemblagerequis.com. Ah, pour les parents, tiens, est-ce que quelqu'un est parent ici? Non. Triste. C'est une chaise berçante pour bercer le bébé. Wow. Comme la personne, le parent, le papa, la maman. Oh, c'est cute. Donc, vraiment, littéralement, c'est comme une chaise berçante branchée avec une petite bassinette berçante, tout ça dans un seul morceau de bois. C'est fait, c'est un design qui date d'il y a 200 ans. En tout cas, c'est basé sur un design d'il y a 200 ans. C'est Scott Morrison qui fabrique ça à la main. Donc, pas de prix, évidemment. Il va falloir lui demander son estimé. Là. Mais c'est cute, on s'entend. Et que ça a l'air confortable, hein? Ouais, c'est ça du bois. Ça doit hein. coûter cher, là. Ah, c'est vraiment du beau bois, par exemple. C'est très beau bois, full poly. Et en plus, il y a des marques pour les fesses. Fait que... Ouais, mais je veux dire... Merci. Tu t'assois dessus, puis merci. Oh, on y apprend les bonnes manières à ton enfant. Ouais, en tout cas, c'est cute. Ensuite, tu sais, quand on prend l'autobus, on se dit tous comment ça fait qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Tu sais, t'en as une dans ta voiture qui est pour une ou deux ou quatre personnes. L'autobus, il y a 30-50 personnes et il n'y a pas de... Quoi? C'est drôle, mais en même temps, il y a des accidents d'autobus, ça arrive. Oui! Ça arrive. Donc, c'est une ceinture portative. Mais tu te rends compte que si tu portes ça, les gens à l'entour de toi vont se demander « Voyons, et où? J'ai trop peur. » Puis ils vont passer tout le long de la ride, la main pognée dedans le banc, essayer de chercher la ceinture. Oh, l'image est délicieuse. J'adore ça. Delicious. Donc, c'est Blake McCauley et Charles Bedell qui ont créé ce Safe Harness Portable Seat Belt qui... attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma page a comme fermé. Ah là! Ah, ça arrête pas d'actualiser, c'est fatigant. Mais je pensais que ces ceintures-là, ils devaient plus en faire parce que quand tu revolais, ça te coupe en deux. Ben non, arrête donc. Non, mais ben c'est... oui, ça prend la bretelle qui part sur le chest. Ah, j'avoue. C'est vrai, la bretelle, je sais pas. Mais bref, ça se passe en arrière du siège et ce qu'ils veulent faire, c'est les... Hein? Non, mais moi, je te dis, t'en achètes deux. Ouais, une en poitrine, c'est ça. Donc, ils veulent le mettre dans les autobus. Donc, ils veulent que les compagnies d'autobus achètent ce principe-là et le mettent dans leur bus. Ils veulent, ça rencontre les standards de la Federal Motor Vehicle Safety, bref, truc. Et c'est super sécuritaire selon eux autres, Federal Motor Vehicle, apparemment. Donc, je sais pas. On fait des tests, puis les humains, ils n'ont pas coupé en deux. Ils ont pas coupé en deux. Bon, ça, okay. Ça aurait été bon. De couper en deux? Ouais, avec un petit peu d'épices. Yeah. Oh. Celle-là, vous avez sûrement entendu parler. En fait, ça fait le tour de Facebook, mais je tenais à en parler. C'est une machine à café qui donne un café gratuit quand tu bailles. Avez-vous entendu parler de ça? C'est Doo Egbert, la compagnie de café. Et puis, donc, il n'y a pas de slot à monnaie du tout. C'est juste équipé de système de reconnaissance faciale. Et c'est programmé pour donner une tasse de café quand quelqu'un baille ou a l'air de bailler. T'sais, mettons, tu peux faire semblant, j'imagine. Donc, la compagnie de café internationale a choisi d'installer ça dans des aéroports. L'aéroport O.R. Tambo International Airport en Afrique du Sud, où 210 tasses de café ont été données à des gens fatigués. C'est juste moi qui ai le goût de bailler présentement. Là. Mais oui, mais Justine a baillé. J'étais comme, oh mon Dieu. Effet d'entraînement ici. Mais c'est une méchante bonne idée. Parlant de choses qui vont vous réveiller, en fait, c'est du vin à saveur de coke. Ça s'appelle Rouge Sucette. Et vraiment, Rouge Sucette. Oui, avec l'accent. Avec l'accent. Donc, c'est mélangé du coke et du vin. Apparemment, c'est populaire dans certains pays. Oui. Dans la culture basque. Non, je connais ça. Moi, je connaissais pas ça. Ou le drink en question, Coca-Cola et vin, s'appelle le Calitoxo. Donc, ça a de plus en plus de popularité. Et le château en Bordeaux, en France. La famille Haussmann va sortir donc le rouge sucette le mois prochain. 75% est là. Regardez bien la formule mathématique. 75% vin, 25% sucre, eau et autres cola, autres saveurs de cola. Donc 75% plus 25% de tout le reste. C'est bizarre un peu. Mais c'est quand même. Au goût. Qui va au goût, exactement. C'est selon, comme on dit. 9% d'alcool par volume, truc, patente, comment t'appelles ça, et consommé directement froid, sorti du frigo. On vous conseille de le boire température frigo. Je suis quand même curieuse d'essayer, mais on dirait que j'ai peur de gaspiller une bouteille de vin. Si t'achètes une bouteille à 8$, là. Ouais, ouais, mais si tu t'achètes une bouteille à 8$, ton drink va goûter de 8$, là. Il va être cheap. C'est vrai. T'attends mais, que tu sois chez quelqu'un. Mais leur mélange s'appelle le Red Lollipop pour sucette rouge. Je ne sais pas pourquoi ça s'est supposé goûter la sucette. Colin, on va l'essayer et on va le savoir. On va l'arter. Oh mon Dieu. C'est donc rouge sucette. Ensuite, on est rendu là avec les nombreuses fusillades partout et les affaires qui se passent avec de la violence. C'est un sac à dos avec un capuchon en Kevlar que tu peux facilement retirer et mettre sur ta tête. C'est le Rhino Skin Backpack, un projet par un designer israélien, Hila Raem. Je pense que c'est une femme. Et puis, c'est ça, c'est un hoodie fait de Kevlar. C'est fait pour protéger le derrière de la tête et ton cou si jamais tu te fais attaquer par des rockets ou n'importe quelle autre arme. Les rockets, on vous rappelle, ce sont des bonbons. Des petits bonbons multicolores, pastels. Ça va créer, selon certains, un faux sens de sécurité. Tu vas penser que tu es en sûreté, en sécurité, alors que tu devrais peut-être t'enfuir pour aller trouver une place sécuritaire. Tu vas mettre ta capuche puis tu vas mourir. Donc, on pense que c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Mais tu peux mettre ta capuche puis continuer à courir. Aussi. C'est ça de même. C'est vrai. Quand on est dans la douche, on veut tous écouter notre iPad, notre iPhone. On veut écouter C'est fou, par exemple, l'application qui, en passant, depuis quelques jours, ne fonctionne plus. J'ai essayé de la télécharger justement cette semaine et j'ai pas été capable. Elle n'est pas disponible. Il va falloir écrire au responsable de ça. Parce que moi, elle manque. Parce que tu l'as déjà. Ouais. Elle n'est plus disponible à télécharger sur le App Store. Oh. Elle est encore là quand tu la cherches. Tu tapes C'est fou, ça est là. Mais tu l'achètes, ça dit temporairement indisponible. Exactement. On verra. Donc, c'est un rideau de douche avec haut-parleur intégré et poche pour mettre votre iPad. Ah, je veux ça. Donc, jouez la musique directement dans votre douche avec le iPad Musical Shower Curtain. Donc, la poche se zippe de l'extérieur de la douche et il y a un truc de plastique transparent dans la douche avec des haut-parleurs qu'on connecte au iPod, iPad, iPhone, n'importe quoi. Tout rentre là-dedans, c'est merveilleux. Ah, je sais pas, je serais quand même craintif avec l'eau, la chaleur, l'humidité. Ouais, j'avoue, moi aussi, pour vrai, parce que c'est une des principales causes de défectuosité d'un appareil à Apple. C'est des gens qui s'entraînent avec et vont suer dans la prise d'écouteurs ou vont laisser leur iPhone sur la sécheuse, mettons, pendant qu'ils prennent leur douche. Pas juste les iPhones, là. Je veux dire, n'importe quel cellulaire. J'arrête pas de dire à ma belle-sœur, elle va texter jusqu'à la seconde où elle va rentrer dans la douche, elle ressort, j'ai dit non, fais pas ça. C'est la pire chose à faire. Non. En fait. Vraiment, elle le fait pareil. Ouais. C'est elle la pile. Ben, c'est ça. C'est elle la pile. Puis si sa garantie finit, ben, elle en achètera un autre. Et voilà. En passant, le look est comme les beaux rideaux, tu sais, avec les anneaux intégrés dans le rideau, là. Tu sais, à la place d'avoir des anneaux externes, c'est des anneaux directement dans le rideau, là. Oh, fancy. C'est fancy, ben, c'est ça pour ce rideau de douche-là. Mm-hmm. Fait que procurez-vous-le pour seulement sur hamaker.com. Le prix de 49,95$. C'est pas trompé. Ben non, mon rideau en dessus, je l'ai payé 60$, je pense. Tu vois, c'est ça. Celui-là s'adresse plus à Steph. Je sais qu'elle a tendance à perdre ses plantes. T'as perdu ton... comment ça s'appelait? Basile, la basilique. Donc, si vous voyagez cet été, vous êtes quelqu'un de complètement irresponsable comme Stéphanie, vous avez besoin de Water from a Stone du designer Casey Schneider. C'est en forme de pierre, mais c'est fait en vitre. Et tu peux mettre 3 à 4 jours d'eau à l'intérieur de cette roche-là, en vitre. Tu la remplis, tu remets le petit bouchon, tu la places face le bouchon par en bas. Ah. Et ça va passer au travers... pendant 3 à 4 jours. Oh. Écoute, Justine, ça existe. Mais pas en vitre. Non, c'est vrai. C'est vraiment beau, par exemple. C'est excessivement stylish. Mais ça existe en plastique cheap. Ah ben là, ben là, ben là. Mais écoute, mets donc ton Miracle Grow là-dedans en plus. Mettez des vitamines dedans, je vous jure. Vous allez avoir des plantes débiles, du basilic qui va goûter l'estragon. Ah! Wow! Parce que tout le monde sait que l'estragon est supérieur au basilic, c'est ça? Je sais pas. C'est bon avec des champignons et de la crème, en tout cas. Miam! Celui-là coûte 13$ en passant, le produit de Casey Schneider. C'est disponible pour acheter maintenant. C'est très beau. Mais c'est pas cher. C'est pas si dispendieux. C'est pas si pire que ça. Tu sais, pour faire survivre une plante qui t'a coûté 2 piastres. Ben ouais. C'est un investissement. Pour ceux qui veulent glisser sur le tapis, c'est le prochain gadget que je vous propose. C'est des Fun Slides Carpet Skates. Oui, c'est des trucs qu'on rajoute en dessous de ses pieds. Wow. Et ça glisse sur toutes sortes de tapis. C'est des Simtech Fun Slides Carpet Skates, si on veut être plus précis. Comment se péter la gueule, hein? Et mais ça. One size, par contre. Donc, je sais pas comment ça se fixe aux pieds, mais ça a été tel que vu à la télé. Donc, apparemment, qu'il y a une pub pour ça. Cherchez la vidéo si ça vous tente de vérifier. Maintenant, un problème qu'on a... On dirait que j'oublie tout le temps la formule de régler un problème, me voulant en train de la rattraper. Souvent, quand t'es dehors et que tu veux entrer dans la maison, t'as des plats, t'as des verres d'eau, t'as le sac de chips, les serviettes, le maillot de bain. Et là, tu veux ouvrir la porte patio, mais la poignée est petite de même. Petite poignée de rien du tout, c'est ça chez nous. Ici, c'est une poignée de porte à suction, mais beaucoup plus grosse et qui est faite pour le coude. Donc, par suction, t'attaches à ta porte patio et tu glisses ton bras. J'aime ça. Quand tu fais du barbecue, t'as le temps une assiette pleine de steak, les pinces, toutes sortes d'affaires. Meilleur exemple que le mien encore. C'est encore plus... meilleur exemple, plus vrai, tu sais. Plus viril. Plus viril. Ouais, c'est ça. Lui, c'est le maillot de bain, la crème solaire. Moi, c'est le barbecue et les steaks. Et on peut mettre la poignée à n'importe quelle hauteur. Donc, parfait pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. C'est la Suction Door Holder. Disponible via assemblagerequis.com sur le site de Taylor Gifts pour 15$. Oh! Ouh! Ensuite, c'est l'été. Les moustiques sont de rigueur. Faut en avoir. On en veut de plus en plus. C'est une tapette à mouches ici pour régler vos problèmes de moustiques, mais une tapette à mouches de luxe. Wow! De luxe tapette, please! Donc, éliminez ces petits monstres à ailes avec le plus grand style possible. C'est la Leather and Steel Fly Swatter. C'est une donc tapette à mouches de luxe stainless steel pour la poignée et cuir brun pour le dessus qui frappe directement. Avec des petits trous dedans. Oui, ça, c'est plus aérodynamique. Parce que... C'est donc bien fancy. Je sais pas pourquoi. Là. Est-ce qu'on peut servir des petites serviettes humides de tantôt pour laver souliers, mais à la place pour laver... Il y a de la suite des idées, les gars. Ça, c'est génial. Vous avez un vélo, vous voulez faire de votre vélo un vélo électrique et vous n'avez pas l'argent pour vous acheter littéralement un vélo électrique. C'est le Robbie qui transforme n'importe quel vélo en vélo électrique en quelques secondes. On sait, les vélos électriques, c'est vraiment cher, hein? Donc, il y a beaucoup de systèmes de conversion disponibles pour électrifier votre vélo. Par contre, ça fait que votre vélo a l'air vraiment bizarre d'habitude. Arrive le Ruby ou Robbie, ou peu importe, un projet sur Kickstarter qui promet de changer votre vélo facilement. Et donc, c'est un moteur électrique. Et tout ce que tu as à faire, c'est le mettre sur ton vélo, le connecter aux vitesses et tout fonctionne directement. Il faut aller voir l'exemple pour savoir comment ça fonctionne techniquement. Mais tu peux le ramener à un vélo normal en appuyant sur un bouton. Donc vraiment, littéralement, off. Bouton on-off. On-off pour électrique, pas électrique. Perspicace. Il faut miser, il faut donner, dans le fond, de l'argent sur Kickstarter, évidemment. On demande 1070$ par personne qui veut ce produit-là. Et présentement, ils sont à 31 529 livres. Sur 63 000, donc la moitié environ, il en reste 21 jours. Et c'est combien un vélo électrique? Le même prix. Je veux dire, c'est quand même 1 000 piastres. Mais au moins, tu peux changer de vélo quand tu veux. Tu sais, tu peux avoir différents vélos que tu payes moins cher, mais ils vont tous être électriques avec ce gadget-là. Ouais. Alors qu'un vélo électrique, t'aurais juste un vélo. J'avoue. Puis aussi, si tu fais voler ton vélo, le peut-être que le moteur, tu peux peut-être l'enlever facilement. Je sais pas, ça doit être compliqué. Si j'avoue. Tu veux le foutu de bloc, c'est les vitesses et tout. J'ai des doutes. Dans la voiture, on a tous un porte-gobelet, mais on n'a pas de porte-collation. Moi, j'en ai pas de porte-gobelet en passant. T'as même pas ça, mais il va falloir que t'en trouves un si tu veux pouvoir acheter. Parcelle 96, 4 vitesses, 3 litres pour le moteur, mais... Appelez au 819-379 pour l'acheter, non? Et donc, c'est le Smart Snacker Personal Travel Container qui entre dans le porte-gobelet de votre voiture. Il vous permet de mettre des chips à côté de votre liqueur. Donc, littéralement, le porte-truc entre dans le porte-gobelet. Et il y a un porte-gobelet intégré au porte-gobelet pour mettre ta liqueur et un autre réceptacle pour mettre tes chips. Mon Dieu, c'est des poupées russes en porte-gobelet. Tu pourrais mettre des frites dedans. Moi, je suis tellement large, je préfère le manger directement dans le sac. Faut que tu rentres ton porte-gobelet à chaque fois pour le laver. Oui, moi, je suis tellement gourmand que j'ai même pas le temps de partir. Il mange l'emballage. C'est ça. C'est bon, notre vie. Hein. On est lâche, hein? C'est vraiment là. Ce T-shirt-là, OK, quand vous voulez savoir que quelqu'un est derrière vous ou proche de vous, vous avez besoin de ce chandail Spidey Sense. Un peu comme Spider-Man qui peut voir au travers des choses. Ce chandail, c'est bien ça, Spider-Man, qui voit à travers les choses? Ouais, ben oui, j'imagine, il y a sa face. Ah, d'accord. Donc, le Spidey Sense shirt, quand quelqu'un s'approche à 5 pieds de toi, il va commencer à avoir une pulsation dans ton chandail. À 4 pieds, ça va être encore plus rapide à 3 pieds, et à 2 pieds, et à 1 pied, et ainsi de suite. Ça doit être fatiguant quand t'es dans le monde. Aïe, aïe, hein, j'avoue. Mais mettons, t'es au bureau, tu veux pas te faire déranger, à 5 pieds, quelqu'un, tu sais. Tu veux de bord, tu écris, hey, va-t'en. Tu mets ton, oui, et tu mets ton tape du début de la chronique. Et voilà, t'as la paye, personne ne veut te voir. Voilà. Donc, si on veut acheter ça, ça va être disponible au mois d'octobre pour seulement, attention, un prix ridicule de. La page se charge. 40$ sur le site de ThinkGeek. Voilà. Il nous en reste deux avant d'accueillir David Ferron. Donc, Morning Head. Pour se débarrasser des cheveux, tu sais, quand tu te lèves le matin, JP, tu le sais. Oui. Tu te lèves le matin, tes cheveux sont dans les airs. Oui. Justine, tu le sais parce que tu les arranges pour qu'il y ait l'air d'être dans les airs. Non, mais c'est le contraire, ils sont aplatis. Ah! Il faut que tu les montes dans les airs, c'est ça? Le matin, non, ils sont vraiment dans les airs, mais tu croches. Ah, OK. Tu les remets droit. Ouais, c'est ça. Bref, JP et moi, on sait un petit peu plus de quoi on parle en termes de cheveux courts qui sont vraiment ébouriffés. Morning Head, c'est un petit casque que tu te mets sur la tête et qui va... ici, ça dit que tout ce que tu as à faire, c'est de mettre de l'eau. Attends un peu, je vais lire un petit peu comme ça. Tu sprinkles de l'eau sur... non, attends un peu, c'est pas ça, c'est plus tard en bas. Donc, c'est un matériau super absorbant et épais. Tu mets 2/3 de tasse d'eau à l'intérieur de ce truc-là. Tu le laisses absorber, tu le mets... Tu masses ta tête pendant quelques secondes et tu vires le chapeau à l'envers, tu le tords et tu le fais sécher. Tes cheveux, pendant ce temps-là, deviennent tout droits. Sérieux, c'est magique. Très beau. Je suis en train de regarder la vidéo puis je suis absorbé. Ah bon, bon, bon, bon, bon, bon. Mais ça a l'air bien marché selon la vidéo. Là, j'avoue que mon explication n'est pas géniale. 10$ pour un paquet de deux de Morning Heads. Est-ce qu'il manquait des affaires dans mon explication? Non. Good. À part un animateur trop heureux. Non, mais ça marche pas quand tu frises ça, par exemple. Non. À moins que tu veuilles friser davantage, je comprends pas. À moins. Mais non, mais c'est parce que si tu frises et que tu te mouilles les cheveux, tu vas friser et tu seras pas coiffé. Hein? Non, mais c'est beau, les frisous. T'as-tu vu la photo à Mathieu quand il est frisé? Ah! Il est sur Facebook, allez voir ça sur mon compte personnel. Tu vas changer d'idée. Right about hey, t'es fine, toi, t'es vraiment fine. Ah, oh, ça fait plaisir, Mathieu. Ouais. Il nous en reste un dernier dans la chronique Sexpress, ça devrait répondre là. C'est comment charger son téléphone cellulaire en le déposant sur le comptoir. Tu sais, quand t'arrives à la maison, tu dompes tes affaires sur le comptoir. Ce serait pas génial si ton téléphone pouvait se recharger juste en le mettant? Ouais, ça serait génial. Ça. Ben, ça existe parce qu'il y a une technique qu'on appelle, je sais, l'induction ou quelque chose comme ça. Ils vendent ces gadgets-là dans les magasins où c'est un gadget que tu branches dans le mur. C'est une genre de tablette et tu mets ton téléphone dessus et par induction, ça va envoyer de la... Bon, on se rappelle de ça. Eux, ce qu'ils ont fait à la compagnie DuPont, c'est de construire ça dans un comptoir. Ils ont collaboré avec Power Matters Alliance pour créer donc une table ou un comptoir avec capacité de chargement sans fil. Et c'est pas seulement pour les comptoirs, comme je disais. Ça peut être une table de nuit, par exemple. Et donc, ils ont utilisé la technologie de Power Mat. Insérer ça dans une surface qu'on appelle en corian. Corian, c'est un matériau pour les dessus de table, je crois. Il voulait dire coriandre. Coriandre, peut-être l'épice. L'épice. Bon, voilà, ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte de voir ça arriver un petit peu plus répandu. Oui, voilà. C'est tout pour Sexpress, ça devrait pas. Là, les filles regardent des choses, je pense, innocentes. Obscènes. Oh. Obscènes. Vulgaires, sûrement. Tes photos. Mes photos de moi, ça. Hein? Ouais, c'est merci, de toi. Merci, Steph. Veux-tu la partager sur la page d'assemblage requis tant qu'à ça, hein? Ben non, merci, ça va. Ben tu peux, ça pourrait être drôle. C'est bien drôle. Mais là, à côté de ma photo de passeport d'il y a genre 6 mois, on va faire un montage, on va trouver quelle vedette nous ressemble. Oui, séparé à la naissance. Justine, on te met là-dessus. Donc voilà pour Sexpress, ça répond là. Je suis sûr que David Ferron est derrière la porte et n'ose pas rentrer pour ne pas... non? Oui, d'accord. Donc on écoute le numéro 1 de cette semaine du côté francophone. JP, allons-y. Oui, avec Mimi Van Der Glo, mets ça dans ta pipe. Et après ça, c'est le manger de la semaine. extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Toujours Assemblage Requis à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, oui. Et Stéphanie Paradis. Hé, hey, hé, Mathieu Blanc. Oui, on est accompagné de Justine Renaud. Hey. Yeah. Wouhouhou. Elle court en rond dans le studio. Elle court après sa queue. Hein? Pas sûr. Non. Je suis de même. Passons à autre chose. Passons outre ce commentaire déplacé. Et voici David Ferron. Qu'on amène avec sa chronique le manger de la semaine. Miam. La bière de la semaine. Non, pas bière, par exemple. Manger. Manger. Manger. Le magasin de bière. Pourquoi tu parles de magasin de bière, toi? 4170 Boulevard des Forges. Ça marche pas. On dit quoi? Ouais. Quand tu prends. Oui, Pet. La vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent des Whippet. Oh! C'est le Whippet de la semaine et David Ferron est là en primeur après un mois d'absence pour nous faire déguster ces Whippets-là. En fait, je pense qu'on pourrait même dire les Whippets de la semaine. On pourrait parce qu'il y a deux sortes de Whippets. Évidemment, David Ferron ne peut pas dépenser que pour une chose chère. Il doit dépenser pour deux choses chères. Ça fait un mois, j'ai le temps d'économiser. T'es saine noire, littéralement triple noire. Qui n'existe plus, oui. Parlant de triple noire, Justine a dans ses mains une boîte de Whippets noires. En fait, enrobée de 70% de cacao. En fait, ça s'appelle chocolat triple. Oh, chocolat triple, hein? Wow. C'est pas compte triple. Ça vaut beaucoup de points, ça, à chaque fois. Compte triple. Oui, perte compte triple. C'est oui, oh, c'est mais des oui, ils ont, ouais. Ils ont peut-être plus de calories. T'sais, ça serait parfait. Ah. Donc, ça, c'est chocolat du côté triple. Gauche. Ouais, du côté gauche. Dans l'autre coin. Ouais. Ben, on a le Whippet original. Oh. C'est enrobé de vrai chocolat. Ça, j'ai bien hâte de le dire au goût. Parce que des fois, dans ces trucs-là, vrai chocolat. Ouais. On n'est pas trop sûr de ce qu'ils veulent dire par vrai. Je veux dire, honnêtement, la définition, c'est quoi? Définis-moi le mot vrai, s'il te plaît. Exactement. Donc, la version originale, je pense que derrière, tu as le même petit design. Un symbole à la gloire du plaisir. Hein? Rien de moins. Que serait l'humanité sans le plaisir? Nous nous sommes engagés à promouvoir l'importance du plaisir, une bouchée à la fois. Succomber à la tentation d'un monde meilleur. Voilà. Wow. C'est drôle comment quand on regarde le mot « whippet », « whip » veut dire « fouette ». Et pet, ça veut dire animal de compagnie. Mmh. Fait que je trouve que c'est un peu. Fouette l'animal de compagnie. Ouais, je trouve ça bizarre comme concept. Ça. Mais sinon, ça pourrait être le chien. Le chien. Le Whippet. C'est une race de chien. Une race de chien anglaise, je crois. Oui, très rond. Le dos très, très oui. Rond. Et noir. Le dessus très plat. Et l'intérieur moelleux. Ça ressemble à ça. Donc, on a deux sortes de Whippet à goûter. On va évidemment devoir ouvrir l'emballage pour pouvoir humecter le gosier. Et, Moi, je pense qu'on va faire face à une problématique qu'on n'a jamais vue à l'émission au manger de la semaine. Un double emballage. Double packaging. Les deux donc, en même temps. Ça c'est mes statistiques. Ça. Mais moi, je pense qu'avant, on a encore des informations à donner. Je pense qu'on connaît pas encore assez bien notre Whippet pour bien l'apprécier et de pouvoir le comparer. Évidemment, brassé par la famille Whippet. Oui, de leur petit nom Dare. Oui, Dare, évidemment. Dare Whippet. Non, c'est comme la célèbre blague, là, Pet pis Whippet, s'en va dans le bateau. Ah oui! Fait que... Je la note. Pet pis Whippet! Et crime, okay. Ça, c'est un rire fake de la part de Justine. C'est un rire malade. Donc, moi, je suis curieux. Je me demande, pour deux biscuits, combien de grammes, toi, de ton côté, Justine? Combien tu mises? Est-ce qu'on veut estimer? Est-ce que Jean-Philippe veut estimer la valeur calorique avant de... Non, mais avec deux biscuits, combien de grammes vous pensez que ça pèse? 200. 200 grammes. Ben voyons. Pour deux biscuits? Non, 20 grammes. Ouais, 20 grammes. Non, ouais, 20 grammes. 25. Ben, on se rapproche. 30 grammes. Et moi, j'étais à 34. Moi, j'étais à 26. Oh, donc le chocolat noir. Les noirs sont plus légers, c'est connu. Oh, mon Dieu. Donc, les noirs sont plus petits. Ah. Mon Dieu, c'est vraiment. Non, mais je pense que ça brise toutes les légendes, là. Toutes les légendes. Donc. Mais je suis quand même. Hey, elle donne des coups de bois de Whippet. Je voulais savoir s'il était plus deux. Qu'est-ce que t'as l'habitude de voir côté... côté Whippet ou côté noir. Oh. Non, mais je pense que moi, Justine, on n'a jamais mangé de noir. Non, moi, j'ai toujours mangé le blanc. Oh, l'original. Wow. L'original? Oui. Donc... Majorité visible. C'est, okay. Ben moi je suis toujours du plus genre original dans okay. Moi aussi, pas l'originalité mais l'original ça va régulièrement. Moi non plus, je suis pas du genre à explorer beaucoup. Non. J'aime le standard, ce qu'on connaît bien. Ouais. Ça existait pas quand j'étais petite. Ben non. Moi j'ai rentré dans les concours de Whippet. Je vous jure, là, on m'a envoyé un t-shirt de Whippet. C'est quoi ça les concours de Whippet? Il fallait que tu envoies 5$ dans une enveloppe et que tu dises pourquoi tu voulais un t-shirt. J'y l'avais envoyé puis ma grand-mère s'est fâchée parce que je l'avais pas reçu au bout d'un mois puis elle a écrit une lettre de bêtises. Ouais, mais j'ai finalement eu mon t-shirt extra large. Hey, il me semble que c'est pas la première histoire de lettre de bêtises que tu nous donnes de ta grand-mère. Ma grand-mère quand elle est pas contente. Grand écrivain. C'est avec les pois chiches clic. Oui, c'est savoureux. Et voilà. Donc, deux biscuits. Moi, c'est 26 grammes. Toi, c'est 36. 34. 34. Annoncez peut-être au niveau des calories. Ouais, calories, je me demande. Faudrait-tu que j'en aie moins? Ben, en théorie, il faudrait que t'en aies moins. Combien de calories j'en ai? 100. 100 calories, c'est bon. Pour 34 grammes, j'ai 150 calories. Okay. Et ta parouette! Donc, deux biscuits, 150 calories. Donc, je pense que le Whippet noir, hein, pas le noir. Noir. Je pense que c'est une bonne option si on veut juste grignoter un petit peu. Moi, mettons, d'habitude, je prends une rangée par repas. Ben oui, okay. Une rangée à l'épicerie, là. Ouais, c'est ça. Mais non, ce serait beaucoup de calories, beaucoup trop. Hein. Non, mais je pense qu'on peut s'entendre. Wow. Qui ouvre une boîte de biscuits et mange deux biscuits, c'est-à-dire une portion? Moi. Toi, c'est pour ça que t'es petite aussi puis que nous autres, on est baquets. La peau, c'est... En passant, il n'y a pas personne qui est baquet ici, là, mais c'est à cause que, je sais pas, là, moi, j'aime ça, savoir qu'est-ce que je mange. Fait que trois, je suis pas capable de sortir ma calculatrice puis dire, attends, 100 calories. Non, mais je vais te donner le truc. Fais comme moi, vis dans le déni. Et voilà, tout est parfait. Hey, est-ce qu'on est rendu au moment où on ouvre le premier emballage? J'étais trop vite tantôt. Est-ce qu'on commence par le noir ou par la majorité visible? Moi, je pense qu'on y va en canon. Ensemble? Ensemble. Oui. Intéressant, petit twist ici. Là. Donc, évidemment, je baisse la trame, comme le veut la tradition, et on ouvre deux emballages de Whippet. Hey, attention tout le monde, il y a un sens hein, pour ouvrir ça. Celui avec la languette rectangulaire. Ouvre pas le fond. Si tu ouvres le fond, t'es... Est-ce que tu nous prends pour des débutants? Mathieu, il savent parce que là, mandin, hein. J'ai vu des éclairs dans ses yeux. Des éclairs au chocolat. Pour vrai, quand tu prends un sac de chips, on l'ouvre toujours par le haut. Je veux dire, naturellement, on le fait pas. Le texte est écrit à l'endroit, alors que là, c'est écrit à l'horizontale et la boîte à la verticale. Ouais, ouais. David, tu allais dire quelque chose? Ben, c'est juste que j'ai de chacun de mes côtés, il y a une boîte de chocolat. C'est agace. OK, fait que t'as vraiment hâte qu'on ouvre la boîte? Oui. Donc, Justine, ouvre la boîte. En canon. 1, 2, 3, go. Wow. Oh. Jouissait. Double emballage. Je le savais. Oh, tu te débarrasses de la boîte. Donc, la boîte est enlevée. Maintenant, on ne retrouve un... Ne sont pas écologiquement responsables. Non, c'est un sac de plastique. Double emballage. OK, est-ce que je suis toute seule à avoir eu la petite drape de sucre? Oh, mon Dieu. Chocolat noir. Ça va être délicieux. Je me demande si c'est pas ton emballage que je sens. Ça se peut bien. L'emballage du noir sentirait jusqu'à ta chaise de l'original. Ah, mais non, sais-tu, le mien sent quand même fort. Est-ce que je peux sentir le tien? Moi, pendant qu'ils se sentent mutuellement les Whippet, on va se sentir nous autres. Ouais. Oh, hey, le mien, il sent le classique Whippet, par exemple. Le Whippet noir est made in Québec. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est la même chose pour l'original. Je crois que la compagnie célèbre de la famille Whippet. Moi, je dirais que les deux, ils sentent relativement pareil. C'est pareil au Québec, oui. Honnêtement, l'odeur est semblable. Moi, je sens le chocolat noir. Moi, je sens 70% de cacao dans mes narines. Sans blague. Il sent un peu plus le chocolat, mais quand même, le Whippet traditionnel, original, sent quand même fort le chocolat. J'ai l'impression que c'est du vrai chocolat. Moi, je dirais qu'on devrait goûter. Donc, est-ce que chacun se choisit des saveurs? Ouais, mais la couleur aussi est quand même semblable. Les deux bruns, c'est vraiment plus petit. C'est le mien est vraiment plus petit. Oui, le noir est plus petit. Mais c'est la raison parce que la saveur est plus concentrée. J'imagine qu'ils ont pu se permettre. Ton chocolat, toi, il est plus foncé. qu'est-ce qui se passe? Ah. C'est vrai, hein? Mais mélangez-vous pas, là. J'espère qu'on n'a pas mélangé. Non, les miens sont plus petits, okay. Là. Moi, j'ai 34 grammes pour deux, là. Moi, j'ai 26 grammes pour deux. Ouais. Bon. Jean-Philippe, tu as choisi le côté des noirs, c'est ça? Oui, j'ai jamais goûté, en fait, le côté noir de la chose. David, tu vas l'avoir tranché, parce que moi, clairement, je vais prendre un original, je suis du côté de Stéphanie. Ben, je suis dans votre équipe. Je suis dans votre équipe. Ah, merde, on va perdre. Donc, attention, on doit y aller très rapidement. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on mange notre whippet chacun de notre bord. Et c'est parti. Moi, je vais te donner une traite. Oh, dis-moi comment tu manges ton whippet. Je te dirais que. Qu'est-ce que tu as? Hey, il y avait un défectueux. Mais non. Moi, je mange tout le temps à guimauve en premier, puis après ça, je mange des biscuits. Quand j'étais petite, j'essayais d'éplucher le chocolat. C'est délicieux. De ton côté, de mon côté, c'est la première fois que j'essaie le noir. Excusez. Convaincu. C'est pas une intéressant. OK. T'avais goûté, j'imagine, à des whippets normaux dans ta vie. Oui. C'est pas nouveau pour toi. Quand même sucré. T'as fait ça très dans sucré. Des barbecues. Le petit biscuit au chocolat. Oui, non. J'aime ça. Je t'ai dit que le biscuit au chocolat, c'est ça la différence. La guimauve au chocolat. En fait, la guimauve a la texture d'une mousse au chocolat. J'ai trouvé. Ça n'a pas la texture de la guimauve habituelle. Bon, donc, Mathieu m'a pas attendu pour goûter à la deuxième saveur. Ben il a déjà tout dans la bouche. Donc, je vais goûter le noir maintenant. Ben moi, j'ai goûté l'original. Allons-y. Je remarque pas tant de différence entre les deux, pour vrai. Ben là, Mathieu. C'est moelleux. Franchement. Le chocolat de l'original est beaucoup plus facile à écailler de la surface. Moi, je préfère le triple chocolat noir parce que c'est plus moelleux. Comme ça, c'est moelleux. On sent le chocolat noir un petit peu en fin de bouche. Mais je te dirais qu'au départ, les deux saveurs se ressemblent. C'est la guimauve qui fait la différence parce que c'est la guimauve de la guimauve. Mais moi, je pense que tu devrais en reprendre un autre. Okay. Et puis la manger moitié. Couper, mange-la en deux fois. Parce que si tu vois l'intérieur, tu vas peut-être psychologiquement goûter plus. Non, mais je pense que tu as manqué la texture de la guimauve. Ah, d'accord. Ouais. Fait que je recommande. On y va. Ça fond dans la bouche. Je vais être la moitié. Oui. Ben alors vas-y. Fond bouffe. Est-ce que tu remarques une différence? Moi, je trouve que le biscuit est un petit peu plus dur du chocolat noir. Il croque un petit peu. C'est peut-être le biscuit. OK. Mais moi, j'ai... Ouais. Oui, ben, je remarque un peu la différence, mais je te dirais que si j'avais à choisir, j'irais sûrement par rapport au prix de la sorte, parce que j'imagine que des fois... Même chose. Bon, ben, je choisirais pour le noir, parce qu'évidemment, plus il y a de chocolat, meilleur c'est. Est-ce qu'on peut revérifier, jouer une reprise vidéo sur le Whippet original, sur le nombre de grammes qu'il y a dans un... 34. Non, dans je veux dire dans la boîte. Ah, dans la boîte. Donc, 300. Ah! Voilà, 270. Bon, j'irai pour 300. Moi, je remarque pas assez de différence. Je te dirais que l'original, pour moi, est assez pour ma dent sucrée. Oui, la différence que je trouve, c'est le côté sucré, je pense, du triple chocolat. Je trouve que... Tombe sur le cœur un peu vite. Oui, un peu plus vite. Ouais? J'aurais besoin d'un bon verre de lait très froid. J'irai à 2 ou 3 biscuits max de fil, alors que l'original, je pourrais sûrement en enfiler 5-6. Moi, honnêtement, on dirait que je vois comme pas de différence entre les deux. Ça goûte juste comme trop le chocolat. Vrai. Les deux. Puis, mais la guimauve blanche de l'original, on dirait qu'elle est plus collante. Justine s'étouffe avec son whippet. Vraiment. Pet puis whippet. Sans mon tomateau. OK, parlant de ça, on doit terminer l'émission ici parce que voulez-vous, l'émission ne dure pas éternellement. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission d'assemblage requis à la plage. On remercie Justine Renaud qui va faire s'étouffer. David Perron, merci pour ton manger de la semaine. Ça fait plaisir, c'était très bon. Très, très bon. Qui d'autre, personne? À part vous deux. Ma bouche pleine. Merci Stéphanie Paradis. Hey, t'as-tu besoin du bouche à bouche, Justine? On va s'en sortir. On finit l'émission plus vite possible pour aller te sauver. Merci Jean-Philippe Charbonneau. Hey, merci à toi, Mathieu Plante. On a eu beaucoup de plaisir. C'était une de nos bonnes, je pense, émissions malgré l'absence de Stéphanie. On a eu beaucoup de titres. Allons-y pour le titre de l'émission d'aujourd'hui. Donc, très, très, très rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on a Virus de sein. Pourquoi c'est la selle que t'as choisi? Pourquoi c'est la selle comme de la selle? Oui. Ici, j'arrive pas à me relire. Refroufrou les froufrous. Le classique, le rook classique. Rook classique, oui. Père sévère, mais dans le sens de père sévère. Okay. Rouge-gorge. Ouais. Okay. Redneck, c'est un rouge-gorge. Je l'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Il y avait un autre. Pet puis whippet. Moi, je pense que pet puis whippet, c'est assez gagnant. Sinon, veux-tu maîtriser mon instrument, le pipeau? qu'est-ce que vous en pensez? Moi, le redneck, ça vient me chercher. Redneck, parfait. Redneck, rouge... C'était quoi? Rouge de gorge. Rouge de gorge, parfait. Ah, puis ça va aller avec Justine qui a la gorge irritée à force de tousser comme ça. Bonne chance, Justine. Restez là pour Rock Rebellique, ça en vient à 18h le jeudi, sinon le samedi. On joue vers midi, le dimanche à 10h. Allez voir sur fou.ca. Bye! Bye, merci au 8-Pit. 8-Pit!